prions que Dieu nous donne un cœur qui écoute sa voix. D'accord? Que Dieu nous donne un cœur qui écoute sa voix, qui soit attentif à sa voix. Prions. Père, donne-nous un cœur qui écoute ta voix, qui soit attentif à ce que tu veux faire pour nous et ce que tu es en train de faire pour nous et en nous, au travers de nous et avec nous. Donne-nous, Seigneur, d'être attentif à tes instructions. Donne-nous d'être obéissant à tes instructions. Seigneur, serre ta parole dans nos cœurs. Inscris ta parole sur nos cœurs, afin, ô Dieu de gloire, qu'elle nous guide, qu'elle nous sanctifie. Car ta parole est vérité. Donne cette parole, ô Dieu de gloire, que ça ancre dans nos pensées, dans nos cœurs, afin que nous nous laissions transformer par elle au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons tous nos cœurs entre tes mains, Père, afin que tu s'y trouves toute racine d'amertume, d'animosité, d'impurité quelconque, sous quelque forme que ce soit, Père, de désobéissance. Que toi-même tu extirpes cela par ta puissance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Bonsoir. Veuillez vous lever. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Qui n'y va pas bien? Qui va bien? Baissez la main. Qui n'y va pas bien? Dites merci au Seigneur parce que vous n'allez pas bien. Allez-y. Sincèrement, dites merci parce que vous n'allez pas bien. Rendez-lui grâce du fait qu'il est permis que vous n'alliez pas bien. Vous qui n'allez pas bien. Faites-le sincèrement et qu'il vous bénisse pour cela. Vous tous qui n'allez pas bien, dites merci au Seigneur du fait que vous n'allez pas bien. Et vous aussi qui allez bien maintenant, dites merci du fait que vous alliez, qui vous a accordé la grâce d'aller bien. Dites-lui merci sincèrement. Car notre Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toute chose. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous du livre de Dieu Chronique chapitre 28, la dernière fois, le verset 9 et 10. Oh, il a dit qu'ils sont de le cœur, ils voient tout, n'est-ce pas? Je suis à votre service encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des questions? Oui, mon cher. Soyez attentifs ici. Oui, bon, allons-y. Parmi vos enseignements, c'est toujours la prédestination. Oui. Vous avez dit que concrètement, ce qui émane du serpent, oui. Elle est prédestinée à la destruction. Oui. En Luc 3, le verset 7, Jean-Baptiste dit, il disait à ceux qui venaient se faire briser par lui, de race des victimes, qui a rapidement appris à fuir la colère. Il n'a pas dit qu'il était sauvé, il a dit fuir la colère. Il y projetait le fruit digne de la repentance. Et ne mettez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père. Quand vous rencontrez effectivement le Messie, vous vont dire justement, c'est le Messie là que nous avons Abraham pour père. Et Dieu va nous demander, le Seigneur va nous reconnaître qu'en fait, ce n'est pas le problème d'être Abraham. Il dit, vous n'êtes pas de médecine, vous venez faire les œuvres de votre père. D'accord, mon cher. On ne peut pas dire que le fait que Jean-Baptiste dit comme ça, ils seront sauvés pour autant, ou bien quelqu'un pourra être sauvé par Abraham. Il dit, mais voyons venir à lui, les pharisiens. Il dit que race de vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir, produisez, vous ne pouvez pas produire le fruit parce qu'on ne peut pas cueillir la mangue sur le guayavi. C'est pas possible. C'est pour ça que par la suite, il va dire clairement que le baptême va, il y aura deux styles de baptême. Un baptême pour ramasser dans les greniers, un autre pour le feu. Donc, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit pour ses enfants, le feu pour les autres. Nous allons sur les questions. Des questions? Y a-t-il des questions, bien aimé? S'il n'y a pas de questions, on est dans la parole. Si on est dans la parole, on n'arrête pas parce que je ne sais pas de quoi il voudra que nous en parlons ce soir. S'il veut, le Saint-Esprit veut bien nous donner un bon sujet, comme d'habitude, pour que nous en parlions. Il y a des enfants, d'avoir agi mal. Oui. Contre Dieu, contre l'Éternel. Il lui a dit que la voix qui nous prenait n'est pas une vraie voix. Mais Dieu, l'Éternel, il vient encore à lui punir cela parce que il a dit qu'il n'a pas laissé ses enfants comme moi qui contre lui. Oui. Le fait qu'il a reçu ses enfants localement, ne peut pas se passer dans ce monde. Qui peut répondre à cette question? Donc il en est dit dans 1 Samuel au chapitre 2, vous allez voir effectivement que les fils d'Élie, la Bible déclare que c'était des gens méchants. La version d'Abi dit que c'était des fils de Bélial. Tu parlais de semences tout à l'heure, voilà, c'est souvent chez le sacrificateur. Les fils de Bélial. La Bible dit donc qu'ils couchaient même les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Les offrandes qu'on devait donner, ils prenaient, ils arrachaient cela. Quand tu fais que ce vient toucher la fourchette, ils disent, mange. Les fils de Bélial. Et leur père était au courant. Il vient se me dire que mes fils, ce que j'entends dire de vous là n'est pas bien. Hein? Si quelqu'un est contre les derniers, qui va se masser le défendre? Alors Dieu envoie un serviteur et dit que je vais faire connaître à sa maison les méchancetés de ses enfants. La question que je vous pose maintenant, en tant que vous avez la Bible devant de vous, comment son père devrait faire avec ses enfants-là, bibliquement parlant? Qu'est-ce qu'il devait être fait pour arrêter la colère de Dieu? C'était comment? Toi-même. D'après la loi, qu'est-ce qu'il devait faire? Ouvre Lévitique chapitre 10. Rapidement, pour qu'on en étant. On va quelque part ce soir. On y va. Lévitique chapitre 10. Lisons à partir du verset 1 rapidement. Les fils d'Aaron, Nabat et Abihu. Abihu. Prirent chacun un brasier. Oui. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Oui. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Oui. Ce qui ne leur avait point ordonné. Oui. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et leur consuma. Oui. Ils moururent devant l'Éternel. Je recommence donc la question. Quelle est la sanction? Qu'est-ce que leur père devait faire? Il devait l'appeler, c'est l'ascension qu'il devait donner. Ce n'est pas le verbal ici là. Parce qu'il est allé au-delà de la limite assignée pour les sacrificateurs. Ce que son père devait faire pour être droit devant Dieu. Il devait amener, assigner à tout Israël que lapider les. Voilà ce qu'un bon devait faire. C'est pour ça que quand il a fait ça, quand Dieu va faire boum, Aaron va rester tranquille. Le verset suivant dit qu'Aaron va rester tranquille. Moïse a dit que c'est ce que je voulais te dire, que Dieu sera sanctifié devant de vous. Sanctifié, ça veut dire que vous tolérez, il frappe. Vous comprenez qui il est Dieu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc il a pris l'allumette. Qu'est-ce que ça a à voir? Il allumait tout juste. Il y a le feu sur les lampes à cette trompe là-bas. Si vous voulez mettre le feu, c'est le feu qui doit sortir de là, qui doit être là-bas. Il ne peut prendre le feu quelque part comme ça. Là. Il entre dans le sanctuaire, il peut mettre ça, ça fait POUM sur lui. Il meurt là. Un des sujets, on va parler de cela concernant les chrétiens. Que non, j'ai prié pour le malade est guéri. Attendez seulement. Que non, j'ai prié, Jésus m'a donné la victoire. J'ai prié, il y a eu les résultats. J'ai prié, il m'est venu. Attendez seulement, le feu est changé. Le feu étranger. C'est un bon sujet qu'on pourrait voir un de ces jours. De quelqu'un d'aller prendre de l'onction quelque part, venant appelant le nom de Jésus-Christ et que les gens soient touchés. C'est terrible. Le fait que Dieu ne répond plus tic au tac, les gens croient peut-être qu'il a oublié. Donc, pour qu'il le sacrificateur Élie soit en règle avec Dieu, il fallait qu'il frappe ses enfants là. Il demande qu'on les lapide. Oui, mon cher. Apocalypse chapitre 7, il parle des 144. Oui. Donc, des 12 000 chaque tribu. Oui. Mais dans cette tribu-ci, je ne trouve pas la tribu. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Cette question a été répondue là, ça a 3 ans. Quand tu vas prendre les enseignements, tu vas écouter ça à l'intérieur. Donc, tu vas rentrer dans 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 17, tu vas trouver cela là. Le pourquoi. D'accord. Avec Jéroboam. Prenez seulement les enseignements, vous écoutez. Pourquoi ne pas répéter, à dire les mêmes choses chaque fois? Vous avez ça sur vous. Repassez. Vous avez écouté des choses. Les questions sont déjà répondues. Et c'est pour cela que vous remarquez les termes, je vous dis qu'il faut avoir l'espérance, que les 144 000 qui ont leur l'espérance céleste. Ils commencent à dire qu'ils sont de tribus. Rappelez-moi quand on va parler d'Israël, de Dieu, Israël dans le plan de Dieu. Vous voyez, quand le premier jour a dit, selon Actes chapitre 15, que nous sommes un peuple de Dieu, il s'est jeté un regard sur la terre pour prendre un peuple qui porta son nom. C'est pour ça qu'ils ont pris Esaïe 43, verset 10, en disant que vous êtes mes témoins, dit Jéhovah. Donc, ils sont donc les témoins de Jéhovah. Alors, ils disent que le peuple de Dieu, et ils montrent en essayant par les versets que Dieu a rejeté son peuple. Le Nouveau Testament dit que Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Je vous dis un mystère au chapitre 11, verset 25. Je vous dis un mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit ancrée. Alors, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit. Donc, c'est écrit quelque part, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob ses impiétés. Il dit, pour ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Donc, il a parlé du peuple d'Israël, que Dieu va restaurer plus tard. Et dans Jérémie 30 et 31, il dit que, il a donné ses lois au ciel et à la terre, aux étoiles, au soleil et autres là-bas. Si ces lois viennent à exciter son amour pour Israël, cessera. Il y a le soleil, il y a la lune, dont l'amour de Dieu subsiste pour Israël. C'est ce mystère de la chute d'Israël qui fait que les gens sont venus comme ça. Plusieurs personnes sont venues se réclamant d'Israël. Ils concluent les témoins de Jéhovah. Ils ont pris le nom du témoin de Jéhovah. Donc, par conséquent, chaque message qu'on envoie à Israël, c'est pour eux. Donc, c'est ce qu'il a mis là maintenant. Par conséquent, ils peuvent se réclamer des 144 000. Alors, tu poses une question. Alors, tu fais partie de quelle tribu? Il dit non, non, ne comprends pas ça comme ça, c'est tribu spirituelle. Donc, il s'agit d'Israël, Israël physique. Dieu va restaurer son peuple, il va sortir de là-bas un peuple épuré. Il dit pour ce qui concerne l'évangile, ils sont étrangers à cause de nous. Donc, Dieu va régler le problème de ce peuple-là. Lorsque l'évangile va être détourné, comme ça, n'allait pas là. Vous prenez un juif vraiment orthodoxe, vous le prenez, vous parlez de Jésus, ils vont vous l'appeler exactement comme les musulmans font la même tension. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Yeshua, il ne peut pas croire cela. Mais c'est pour ça que les frères, les juifs qui jusqu'à présent croient au Seigneur Jésus-Christ, ils sont persécutés comme les musulmans qui croient au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas savoir ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est une grâce que d'être chez les païens et croire au Seigneur Jésus. Tu vas être étonné que comment eux qui ont la... Comme les gens disent que non, il faut comprendre l'hébreu, il faut comprendre l'arabe. L'apôtre Paul, qui avait un arabe en grec qui parlait, il prêchait là-bas en grec, on voulait le lapider, n'est-ce pas? Hein? Quand il prêchait ça, il prêchait en grec et autre là-bas. On voulait le lapider. Vous pensez qu'il faut être grec pour comprendre ça? Non. Qu'il faut être hébreu. Voilà les hébreux qui sont sujets, ils connaissent ce qu'on appelle le Tanakh. Ils connaissent le Talmud. Quand ils lisent son Talmud, ce que tu lis en français, c'est ce qu'il lit là-bas. Il lit Isaïe. Il lit le prophète Isaïe. C'est quand tu vois, il a été maltraité parmi nous. Tu dis, c'est pas ça. Il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que Dieu les a aveuglés. Je crois que ça touche un verset, une question que quelqu'un m'a posée ici. Merci Père. Voilà, cette personne s'est posée la question. C'est Jésus qui guérit les sourds et les aveugles spirituels et physiques. Je ne comprends pas dans Ésaïe 42, verset 18 à 20, où il a dit sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu et le serviteur de l'Éternel? C'est ce qui est écrit dans Ésaïe. Par la suite, il a dit, la personne dit, peut-on servir Dieu quand on est aveugle ou sourd, spirituel? Oui. Maintenant, suivez, il veut dire quelque chose. Et dans Apocalypse 3, 18, il nous conseille d'acheter de l'huile, de l'or et pourquoi pas le feu. Deux choses totalement différentes sont mentionnées dans les deux versets là. D'abord, dans Apocalypse chapitre 3, il est en train de s'adresser à l'église. Maintenant, comment comprendre ce que Dieu est en train de dire dans Ésaïe 42, verset 18 à 20? Il parle effectivement que le serviteur de l'Éternel est sourd. Or, quand vous entendez serviteur, c'est parce que vous ne connaissez pas, je vous avais dit d'étudier la Bible. Quand vous voyez âme dans la Bible, arrêtez-vous. Dans cet Ésaïe, quand Dieu a parlé de serviteur, il ne parle pas d'un individu, il parle d'Israël. Israël est le serviteur de Dieu. Donc, il a parlé de l'aveuglement d'Israël. Vous savez ça? Comment ils peuvent être aveugles comme ça? Qui est sourd? Dans cet Ésaïe 42, il a parlé de l'aveuglement. C'est pour ça que Jésus va citer que Ésaïe a aveuglé Israël. Et c'est lui qui a envoyé Ésaïe. D'aller l'aveugler au chapitre 6 d'Isaïe. Donc, quand il dit qui est sourd, sinon le serviteur de l'Éternel, et la personne pose la question, comment peut-on servir Dieu en étant sourd? C'est qu'il est sourd selon la volonté de Dieu, parce qu'il est sourd pour que nous vous entendons. Où est la chose, n'est-ce pas? Donc, voilà Isaïe 42 et Isaïe 6 qui parlaient du fait que Israël ne devait pas entendre. Il devait écouter sans comprendre, parce que Dieu a bloqué l'oreille. C'est donc une prophétie de l'aveuglement. Et pour bloquer Israël d'entendre la parole. C'est pour ça que vous pouvez. Donc, quand vous lisez dans Ésaïe 42, il ne s'agit pas d'un individu en tant que peut-être Matthieu, Marc, qui serait aveugle ou sourd. Ce n'est pas ça dont il est question. Il s'agit d'Israël. Donc, c'est le mystère d'aveuglement d'Israël. C'est ça dont il est question. C'est pour ça qu'il dit quand vous lisez le livre du prophète, faites attention. Vous dites, ici on parle du serviteur de l'Éternel. Non, là c'est écrit le serviteur de l'Éternel, mais là il s'agit d'Israël. Vous comprenez? Vous allez voir tout un de ces jours, on va parler d'Israël, mon élu. Israël, mon élu. Un de ces jours, on va parler maintenant de Jésus comme étant son élu, le serviteur élu. Vous comprenez bien, hein? Donc faites attention. Les livres des prophètes, quand vous lisez, vous ne comprenez pas, poser des questions, c'est mieux de poser des questions comme ça. Sinon, vous allez prendre que le serviteur de l'Éternel est aveugle. Et puis vous voyez Apocalypse, chapitre 3, verset 18, il dit que je te conseille d'acheter le bois de l'eau pour ne pas le faire. C'est deux choses différentes. Il parle d'aveuglement d'Israël. Si Dieu a aveuglé Israël pour qu'ils ne comprennent pas. Mais chez nous ici, c'est le matériel qui dansait. Apocalypse chapitre 3, c'est le matériel qui nous a aveuglés. La mondanité nous a aveuglés. Parce que Dieu n'a pas destiné l'église à être aveuglée. Il n'a pas donné une prophétie à l'église d'être aveuglée. Il a donné les mises en garde, mises en garde. Que si qu'on ne comprend pas, ça va nous amener à l'apostasie. Donc il n'y a pas une prophétie que l'église serait aveuglée. Parce qu'il a d'abord donné une prophétie que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais pourtant, pour Israël, il a dit clairement qu'il devait aveugler Israël. Vous suivez? Ok. Quelques questions? Oui. Oui. Il n'y avait même pas son âme. Et à la mort, la Bible nous dit clairement que le corps, la poussière, l'esprit de Dieu est plus dans le secteur de la mort. Je voulais savoir ce que devient en fait le monde lorsqu'il fait des questions de l'homme de son esprit. L'homme loin de. Donc, tu vois, quand on a dissocié le en trois comme ça, c'est que c'est l'âme là-bas, ce n'est pas l'homme. L'homme doit être constitué de ces trois-là. C'est pour ça que même s'il y a la résurrection, on doit avoir un corps. Un corps qui est similaire à ceci, mais cette fois-ci glorieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas astral à mort. Même comme ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, on le voit ainsi, est-ce qu'il est fait de la poussière? Hein? Jésus est fait de quoi? C'est pour ça que la loi, tu es poussé, tu retenais la poussière, mais pas s'appliquer sur lui. Avait-il le sang? Jésus avait-il le sang? Mais non, est-ce qu'on a dit que ce n'est pas son sang qui nous a racheté, frère? Comment tu dis encore comme ça? Jésus avait le sang, oui ou non? Hein? Non, dis, mais comment tu dis encore? Jésus avait-il le sang, oui ou non? Son corps était un corps de poussière. Hein? Donc son corps est fait à base de la poussière, Jésus. Non, mais attends, laisse-moi semblable. Il dit que Jésus-Christ avait le corps venant de la poussière. Toi et moi, notre corps provient d'où? Pour lui, corps provient de la poussière. Ok. Avait-il le sang? Comment tu doutes pour dire oui? C'est pas par son sang que nous sommes rachetés. La Bible déclare que c'est le sang de son fils Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité, non? Mais c'est en anglais que c'est écrit, c'est en bosnien. Alors il avait le sang. Il avait un corps exactement comme le nôtre. Hein, frère? Mais ce n'était pas de la poussière, pas vrai? Ok. Quand il est ressuscité, avec ses collègues traversaient les murs, pas vrai? Avec ce même corps, il apparaissait à 500 personnes à la fois, pas vrai? Ce même corps-là, il mangeait avec, n'est-ce pas? Le corps glorieux, le corps de la résurrection. Avec ce corps de la résurrection, c'est la même chose comme cela. Vous avez une pièce de voiture, vous avez une autre qualité là-bas, vous prenez la pièce de voiture, ça se trouve là-bas. On voit ce que je viens de dire. Voilà. Donc il y a un corps physique, il y a un corps spirituel. Le corps spirituel, ce n'est pas ton esprit, un corps spirituel, c'est un corps qui est fait de la même façon, mais de l'autre dimension, parce que ça a été fait de la poussière. D'accord? Qui s'est marié alors, c'est leur problème. Si après la résurrection vont se marier, c'est leur problème. Donc ouvrons rapidement comme ça, on travaille. Que Dieu bénisse. Chapitre 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, veulent trouver Jésus et lui poser cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier s'est marié et est mort, et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Donc il est question du mariage ici, après la résurrection, suivant ce que le Seigneur Jésus dit. Première réponse, duquel des sept, puisque tous l'ont connu. Duquel des sept sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousé. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Stop, ça va. C'est bien compris. Ok, donc si les témoins veulent se marier à la résurrection, c'est leur. Donc ils ont leur part de résurrection en dehors de Jésus. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on entre dans les saintes écritures. ou bien s'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Et j'impose à la personne qui doit répondre. Y a-t-il des questions? Vous imaginez que les Sadducéens viennent poser des questions comme ça au Seigneur Jésus. Jésus dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures. S'ils ne comprennent pas les Écritures, qu'est-ce qu'ils enseignent depuis longtemps avant que Jésus ne vienne? Vous voyez comment ils sont dans l'erreur. Et s'ils sont dans l'erreur, ils sont conduits par l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur vient de Satan. Et par conséquent, Satan les a trompés depuis. Mais ils enseignent quelque chose qui est logique. Dans leur démonstration, dans leur école de théologie, ils avaient expliqué que vous pensez que c'est ici qu'une femme vraiment, si on dit qu'il y a une résurrection. Cette femme-ci a épousé son frère, après épousé. Mais à la résurrection, qui va vraiment? C'est que chaque fois, elle va venir dire, donc, tu es ma femme. Qu'est-ce qu'il veut conclure? Il veut conclure que vous voyez que c'est une bêtise, que vous croyez qu'il y a une résurrection. Avec ça, ils avaient mis les pharisiens hors d'état des nuits parce que personne n'a pu leur répondre cela. Or, le Seigneur Jésus continue dans ces versets, vous dit, pour ce qui est de la résurrection, n'avez-vous pas lu quand est-ce qu'il y a du buisson Adam? Que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, lorsque Exode chapitre 3 dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens de parler de la résurrection sans appeler le nom résurrection. C'est juste ce qu'il nous enseigne maintenant qu'il parle de la résurrection là-bas. Parce qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, Abraham n'est pas sur la terre. Isaac n'est pas sur la terre, Jacob n'est pas sur la terre. Donc, pour lui, tous sont vivants. Donc, ils sont morts, ils sont ressuscités. Voilà. Alors maintenant, voilà donc les Sadducéens qui sont en mal devant Dieu. C'est ainsi aujourd'hui. Souvenez-vous, si le Saint-Esprit ne vous ouvre pas l'esprit, vous allez comprendre la lettre sans comprendre les Écritures. Vous allez dire que iniquité, ça veut dire quoi? Vous regardez du Seigneur, ça veut dire injustice. Vous regardez que Dieu veut dire quoi? Une entité qui est digne d'être adorée, dont on veut un culte. Religion, ça veut dire quoi? Ça ne donnera pas. Quand tu vas composer ces différentes définitions, mettre la compréhension, tu vas avoir l'aspect l'ivresse de cela, sans comprendre ce que Dieu a donné à dire. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de dictionnaire pour comprendre la Bible, justement. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'école pour comprendre cette Bible, justement. Il faut que ce soit l'esprit qui ouvre ton intelligence. Si ce n'est pas ça, tout ce que tu fais, c'est des histoires. Souvenez-vous, ses propres disciples, lorsque le Seigneur était sur la terre, leur disait clairement que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera outragé par les gens de ce siècle. Il souffrira beaucoup en demain, le Seigneur sécateur, on le livrera aux païens et il mourra. Après 3 jours, il va vous rencontrer en Galilée. La Bible déclare qu'il s'est demandé ce que veut dire résister des morts. Il parlait en quelle langue? Ses disciples pour se poser la question, mais il parle de quoi? Frère, il parle de quoi? Résurrection des morts, résister des morts. C'est quoi ressusciter des morts? Mais il parlait en leur langue. Quand il meurt même, il ressuscite, il est devant en train de marcher avec eux. Il dit, pourquoi vous êtes triste comme ça en rentrant? Il dit, mais toi tu es le seul là à séjourner, c'est que je ne sais pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu le bavardes comme ça? Il dit quoi? Jésus de Nazareth qui était puissant devant Dieu. Les pharisiens l'ont tué, ça fait maintenant 3 jours. Nous espérions que c'était lui qui changerait l'état d'Israël. Yo, homme, lent à tous, à croire à tout ce que les prophètes, qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entra dans sa gloire? La Bible déclare par temps de Moïse et passant par toutes les écritures, les prophètes et les psaumes, il leur expliqua ce qu'il le concernait dans les écritures. Vous voyez cela? Puisqu'il expliquait les écritures, quelque chose était activé à l'intérieur. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, ce sont les écritures qu'il disait. Est-il écrit dans le psaume 16? On a partagé ses vêtements, oui. Mais le psaume 16 dit quoi? Les bandes des cerfs m'environnent. Les chiens m'environnent, les taureaux de Bazan. Ils ont pas tiré au sort mes vêtements. Ils ont tiré au sort. L'autre dit, yeah, c'est vrai. Il y a 28 qui a tiré au sort. Son tombeau, c'était parmi le régime. Hey, c'était ça. Oui. Mais il était parmi les malfaiteurs. Les gens qui étaient à côté de quoi, Christophe, c'était les malfaiteurs. Hey, c'est ça. Les écritures, ça s'alignait devant eux. Un temps, il a comme ça. Il a disparu. Ils ont dit quoi? Maintenant, nous croyons que c'était lui. Pam, pam, pam, pam, pour rentrer. Pourquoi? Parce que l'écriture dit une chose, si le Saint-Esprit ne te l'ouvre pas, tu ne comprendras pas. Alors quand il s'est présenté devant les disciples, la Bible déclare, il leur ouvrait l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Donc quand vous lisez la Bible, ça vous dépasse. Dites Seigneur, ouvre ma compréhension dans les écritures. Ouvre la compréhension dans les écritures. Souvenez-vous, il ne faut pas être intelligent. Dieu a montré toutes ces images dans la Bible. Quand vous entendez un haut gradé, ministre de Candace, intendant de ses biens, étant sous son château, un homme cultivé, il a été mis au nom de malfaiteurs. Je ne sais pas continuer, que wonderful. Et ça, c'est quoi ça? Depuis des années, Elisa ne comprend pas. Après, c'est ça que je te dis. Pardon, approche-toi de ce chat. Il ne dit pas que va lui expliquer. Il dit approche-toi de ce chat. Quand il dit approche-toi de ce chat, tout ce qui est contenu est dans approche-toi de ce chat. Bonsoir, monsieur le ministre, bonsoir. Pas d'accord, pas d'accord. Qui sort d'où? Je sors des jeux d'enfants adorés. Tu as adoré le dire oui. Donc, tu lis quoi même? Il lit un livre ici qui me casse la tête ici depuis 4 km. Mais quand tu lis là, tu comprends. Je vais lire comment il veut comprendre s'il y a personne qui m'a pour m'expliquer. Pourtant, il a lit ça dans sa langue. Il lit bien, il prononce. Les mots sont là, pas que c'est dur de prononcer. Tu prononces bien, tu ne comprends pas. Mais viens t'asseoir ici. Il n'a pas posé la question que tu sors de quelle école, tu es qui? C'est Philippe tout simplement. Il dit, mais c'est quoi? Le prophète s'il parle de lui-même, il parle de quelqu'un d'autre. Voilà son problème qui était à l'intérieur. Donc, la méditation de l'écriture, comme je vous dis ici, amène ce genre de choses aussi. De qui est-ce qu'on parle ici? Cette question, si c'est répondu dans ton cœur, tu as assimilé, tu as compris. De qui est-ce qu'on parle? Il dit, c'est du prophète dont il parle de lui-même, ou bien il parle de quelqu'un d'autre. Si c'est de quelqu'un d'autre, alors ça pose un problème. Alors, quelle est la conséquence? Pourquoi on le tue alors qu'il n'a rien fait? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une plante, devant lui comme sur une terre desséchée. Rejeter les hommes habitués à la souffrance. Il n'avait pas de beauté. Oh mon Dieu. Semblable à celui dont on détourne le regard. Mais il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas ses meurtres. C'est que nous sommes guéris. Le gars dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est ça donc que les Juifs qui étaient à Jérusalem lisaient. Ils ne comprenaient pas. Il dit, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie. Elles rendent témoignage de moi. C'est donc pour dire que la vie se trouve en lui. Vous allez dans les Écritures, ça va vous conduire vers lui. Des questions, frère? Il n'y a pas de questions, on entre ici dedans. Père, oui? Oui. Donc, lorsqu'il parlait de prier par en esprit, qu'est-ce que tu dis? Que j'ai dit quoi? Voilà. J'étais en train de dire ici, c'est que il faut prier en accord avec l'esprit. Ça veut dire que c'est le style de prière du Saint-Esprit. En réalité, si vous lisez votre Bible de la bonne façon, vous allez remarquer que personne n'a jamais demandé quoi que ce soit sans que ça soit selon la volonté de Dieu. Si vous regardez votre Bible de la bonne façon, qu'est-ce qui fait que Daniel commence à prier au chapitre 9 que Seigneur, nous avons péché, nous n'avons pas écouté ce que le pasteur dit. Subitement, Dieu déclenche la chose. Qu'est-ce qu'il fait? Lisez votre livre de Néhémie et Esdras. La Bible déclare que le moment arrive quand il va faire son esprit. Il réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla son esprit, donc son esprit était endormi depuis. Le moment arrive, il fait quelque chose. C'est ça, travailler en accord avec le Saint-Esprit. Et maintenant, ce n'est pas possible de faire des activités, commencer à travailler avec lui. Non. Il doit avoir une culture, une coutume, une façon de faire avec lui. Une façon de faire avec lui. Daniel, lui, il cherchait Dieu continuellement. Il savait. Donc, Dieu pouvait lui révéler ses secrets. Il avait l'intimité du Seigneur. D'accord? Dans ces choses-ci, on ne dit plus pas Dieu un deuxième matin pour dire que je vais prier en esprit. Je tenais de dire que ce qu'on enseigne aux gens en disant que prier en esprit, ça veut dire qu'on ne va pas en langue. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Prier en esprit, c'est ça veut dire que prier conformément à sa volonté. Et ceci, c'est pas quelque chose d'un jour que je vais maintenant prier en esprit. Quand vous parlez de soupir, vous savez ce qu'on appelle les soupirs? Vous connaissez ce qu'on appelle les soupirs? Vous connaissez ce qu'on appelle les supplications? Les prières, les supplications, les lamentations. On va y arriver, lorsqu'on va vous parler des méditations aussi. Dieu voulant. On peut avancer. On peut avancer ici. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants maintenant. Nous prions, Dieu de gloire, que tu nous guides et que tu nous conduises dans ta parole. Viens nous donner le sujet sur lequel nous étalons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que vous ensemble, quand vous regardez l'extérieur autour de nous, dans votre environnement, que vous ensemble, nous sommes par exemple, il est 19h15. On éteint subitement toute la lumière. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous remarquez? Le noir total, n'est-ce pas? On éteint la lumière, même ici à l'intérieur. Si cette lumière s'est éteinte, de façon, toutes les lumières sont éteintes. C'est ça, c'est que tu reconnais quelqu'un qui est à côté de toi. Maintenant, lorsque nous regardons dehors, nous voyons en même temps l'obscurité, en même temps la lumière. Et vous voyez effectivement que les lumières sont sporadiques. Ça veut dire que c'est en tâche de lumière, pas vrai? Vous remarquez, n'est-ce pas? Vous observez effectivement que dans ces conditions-là, les ténèbres dominent sur la lumière. Pas vrai? C'est ainsi donc la terre devant Dieu maintenant. C'est ainsi donc la terre maintenant devant Dieu. Et même, c'est la quantité de lumière qui se trouve ici, là, comme ça, là, n'est pas assez grande par rapport à tout ce que quand Dieu lui regarde, c'est sur toute la terre. Donc les ténèbres envahissent la terre. Lisons, lisons, merci Père. Genèse. Allons dans Genèse, commençons là. Courage, d'accord. Genèse chapitre 18. Notez 1 Thessaloniciens chapitre 5. Notez aussi 1 Thessaloniciens. Donc, parce que lorsque je veux lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, notons les versets 3 à 15 du chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Vous êtes avec moi? Notez Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Notez Colossiens 4. Versets 1 à 6. Notez 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 58. On avance. Je vais la noter. Notez Luc chapitre 13, verset 1 à 5. On peut commencer la lecture. Là, maintenant, c'est bon. On peut commencer. Ok. Notez Luc chapitre 13, verset 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs et de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et certains lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Verset 6 maintenant, prêtez attention à partir de maintenant. On va lire à partir du verset 6, on va tomber au chapitre 19. Comment? Ok, donc vous me suivez. Ok. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Regardez bien. Yoko, à partir maintenant, commencez à prêter attention. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation, une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, verset 20, nous y sommes, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme, souligné. Vous avez vu ça? L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre est énorme. Je pose la question. Qui crie contre Sodome et Gomorre? Ah! Je veux votre attention maintenant. Qui crie? C'est Dieu qui parle là. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Que le cri, il y a un cri qui crie contre Sodome. Je pose la question. Qui crie contre Sodome et Gomorre? Hein? Le diable, hein? Tu as entendu son cri au forêt? C'est l'eau, hein? Hein, frère? Mais vous parlez dans votre gorge. Moi, si vous voulez qu'il parle comme ça, hein? C'est l'autre qui crie. L'autre crie que quoi? Que wow, Dieu, oh, oh, Dieu, c'est ça? Ah. C'est Dieu qui dit à Abraham que le cri contre Sodome et Gomorre. Le cri contre Sodome et Gomorre. Contre. Je pose la question, qui crie contre Sodome et Gomorre? Le péché. Mais le péché, c'est ce qu'ils font. La justice. La justice habite à Sodome et Gomorre. La terre. Souvenez-vous dans Romains chapitre 18, chapitre 8, verset 19. La création tout entière soupire. Parce qu'elles sont aussi dans la servitude. Dieu a donné des lois sur toutes ces choses-là, sur toutes ces choses-là, mais l'homme utilise pour commettre le péché. Et il crie. Vous savez que les plantes parlent, frère? Vous savez que les plantes parlent? Vous savez que les arbres parlent? Que l'eau parle? Vous saviez ça? Ne sachez pas, non. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. Vous entendez ça? Vous vous souvenez quand Caïn a versé le sang de son frère? Dieu a dit quoi? Comment? Le sang d'Abel. Regardez, nous sommes au chapitre, nous sommes dans Genèse, au chapitre 4 rapidement, avant de le dire. Vous me regardez comme si... Ben, c'est pas incroyable. Regardez le verset 10 rapidement. Lisez tout ensemble, chapitre 4, verset 10. Allons-y. Et Dieu te juge, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton père qui lui a baillé sa main. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qui se passe? Donc, prenez votre temps de lire le livre de Lévitique, chapitre 18 particulièrement, jusqu'au chapitre 25. Dieu donnant les ordres à Israël va dire, lorsque vous serez entré dans ces pays-là, gardez-vous de faire, de commettre les abominations qu'on commet ces pays. D'accord? C'est une nation que je chasse au devant de vous. Car c'est à cause de ces abominations que la terre a. Que la terre les a. Donc la terre ne les voulait plus. Quand la terre ne les veut plus, il faut que Dieu les nettoie de là. Donc faites attention. Donc Dieu dit ici dans ce Genèse chapitre 18, le verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. Et leur péché est énorme. Verset 21. Écoutez attentivement. C'est pourquoi je vais descendre. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Vous entendez ce que Dieu dit? Donc Dieu fait comme si comme un enquêteur. Il faut qu'il passe descendre pour entendre vraiment si c'est normal. Si ce qu'il a entendu est vrai. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne condamne pas sans la preuve. Pour qu'on te culpable, pour qu'on te condamne, il faut que tu aies des preuves de culpabilité contre toi. Dieu fait comme un homme là. Il dit qu'il veut descendre. C'est pourquoi il veut descendre là-bas pour voir si vraiment ce qu'on a dit là, ce qui est venu jusqu'à moi, c'est entièrement la vérité. Regardez. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc si Dieu arrive là-bas, si c'est pas le cri qu'il a entendu, c'est qu'il va savoir. Dieu va aller sur place avant de savoir, frère. Dieu va aller là-bas avant de savoir. Non. Ah. Je veux que vous compreniez une histoire. Je peux parler maintenant. On peut être au milieu, en plein jugement, sans s'en rendre compte. On peut, à un moment donné, commencer à vouloir subir un jugement. C'est-à-dire qu'un jugement est sur notre tête, mais on n'est pas conscient. On peut être au milieu d'un peuple, d'un monde perdu, mais on n'est pas conscience de la gravité. Quand il parle de conscience, c'est que conscience... On peut être au milieu du monde, d'un monde, d'un peuple, d'une famille, d'un village, d'une nation, où des abominations s'y passent. On n'a pas conscience de la gravité de la situation qui s'y passe. Quand il parle de gravité, ce n'est pas le fait qu'on dit hey, c'est grave. C'est pas ça. Ça dit que la gravité dans le cœur du Seigneur. Regardez le monde seulement autour de nous. Je veux que nous entrions et nageons dans ce texte-ci pour voir le contexte. Ça dit que comment les gens vivaient là-bas. Et puis, comparons à nous maintenant de cette époque. Et vous arrivez à la conclusion que quelque chose est sur le point de se passer. Il dit que s'il arrive là-bas, s'il ne se sent pas comme il a entendu, il va savoir. Comme s'il a besoin d'aller là-bas pour savoir. Et finalement, il ne met même pas les pieds là-bas, vous savez ça? Il dit qu'il descend comme ça là-bas. La suite, non, il ne descend pas là-bas. C'est pas ça, frère? Continuez ici, verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Abraham avait compris que c'était réglé là-bas. « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas? Écoutez très attentivement. Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Vous voyez? Donc, c'est clair d'après ce passage que personne n'ira en enfer alors qu'il est juste devant Dieu. Personne ne sera de l'autre côté de Dieu alors qu'il est injuste. Parce que toute iniquité sera sanctionnée. Il faut qu'on pèse bien ces choses-là. Toute iniquité sera sanctionnée. Mais je veux qu'on va au-delà de nous-mêmes maintenant et regardons l'état de ce qui se trouve autour de nous. D'accord? Avançons. Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous entendez ce qu'il dit là? À cause de ces 50 justes, leur présence, Dieu pardonne. Dieu il suspend sa colère. Vous avez vu cela? Vous entendez ce qu'il fait? Vous voyez pourquoi la terre n'a pas encore reçu le feu, pas vrai? Vous voyez pourquoi la terre n'a pas encore reçu le feu? Ok. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. D'autres parlent en mettant la main dans la poche. En disant, mais que si tu ne veux pas, je ne veux plus te servir. Abraham, qui parlait avec Dieu, il dit que moi, je ne suis que poudre et cendre. J'ai osé parler. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Vous entendez ça? Dieu montrait comment l'iniquité avait tendu ses tentacules. Comment la totalité avait été pervertie. Regardez, Abraham, verset 31, dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, de la détruirai point à cause de ses vins. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ses 10 justes. Verset 33, écoutez très attentivement. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa tente. Imaginez que pouvait passer dans la pensée d'Abraham après avoir intercédé comme ça. Il a cherché de par les voies et moyens à épargner les impies. Mais c'était réglé. Il est descendu jusqu'à 10. Imaginez quand il a fini avec Dieu, quand il se tournait, dit que mais. Donc toute la population n'a pas 10 personnes qui craignent Dieu. Imaginez comment Abraham a pu être troublé lorsqu'il méditait sur cette chaîne-là. Je pose la question, combien de justes avons-nous dans notre pays? Je pose la question. Il ne s'agit pas de faire de bonnes actions. Il y a des choses terribles qui se font dans le secret. Il y a des choses, ce sont les résidus qui sortent dans les presses qu'on entend. Parce que Dieu veut les livrer un peu en spectacle pour qu'on entende, pour qu'on suive un peu les petites dimensions de ce qui se passe dans les ténèbres. C'est officiel le sexe, c'est officiel l'homosexualité, c'est officiel des choses de la prostitution jusqu'où vous passez. Et on reconnaît officiellement que voici un quartier de prostituées. C'est reconnu dans toutes les villes du monde que vous allez à tel endroit, Saint-Tropez, vous allez à Monaco, vous allez à tel auberge du Voulou, n'importe quoi dans le monde entier, ici, casino. Il y a même de Las Vegas. On dit que c'est la ville, quand tu entends Las Vegas, la ville d'Njambo, c'est officiel sur la terre. Los Angeles, remarquez bien encore pourquoi ça, le jugement va venir. Los Angeles, donc la ville des anges, c'est devenu la cité des démons où on produit des films pornographiques pour distribuer dans le monde. Comment les anges ne vont pas détruire pour casser ces choses-là? Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que, imaginez maintenant, prenez pays après pays, observez seulement un temps soit fait, alors que vous êtes assis ici. Observez avec votre cœur chaque chose et observez Sodome et Gomorre. Imaginez donc ce que les saints sont en train de faire dans le secret. En intercédant, en voyant le mal qui est sur la terre. Mais Abraham est descendu jusqu'à 10. Dieu lui a dit qu'il n'y en a pas. Souvenez-vous, Dieu n'a pas fixé la limite, c'est lui qui a fixé la limite. Dieu n'a pas fixé la limite, c'est lui qui a fixé la limite. Parce qu'il a dit que je ne parlerai que cette fois-ci. S'il descendait à 5, même jusqu'à 2, peut-être Dieu pouvait épargner la ville. S'il épargnait la ville, j'espère que ça devait prendre son frère, même pas à la suite. Parce qu'il était le dernier rescapé de ces choses-là. On devait dire que tout ici, on connaît tout le monde. Mais vous savez, il y a l'autre là-bas depuis, il ne résiste même comme ça. Tous à la maison de l'autre. Il devait confirmer là-bas. Donc Dieu, grâce soit rendue au Seigneur que ça se passe, que ce soit passé ainsi. On avance. Chapitre 19. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot, vous y êtes avec moi? Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux. Ça fait trop de bruit là. Je peux avancer? Verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome quand Lot les vit. Il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous leverez le bon matin et vous poursuivez votre route. Il croit que les anges sont venus, ils sont de passage. Il ne sait pas que la mission c'est chez eux, c'est là-bas. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Vous savez moi? Nous passerons la nuit dans la rue. Souvenez-vous du propos du Seigneur. Il dit, il descendrait là-bas pour voir ce qu'il en est. Donc, ah mon Dieu, c'est terrible. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entra dans sa maison. Il lui donna un festin. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas? Donc, quelqu'un est en plein péché, en plein citadelle de péché. Il vit lui dans la fête. Quelqu'un vient, on donne la fête. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de Luc chapitre 17. Ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorre arrivera en même temps. Donc pendant que les gens seront dans le péché, même les gens qui craignent Dieu vont être dans la fête sans s'en rendre compte. Et là, voilà. La visite vient, oh la fête, oh, on danse, je dis que non, j'ai les invités qui sont venus. Regardez, mais il ne sait pas que quelque chose est en train d'être discuté par rapport à la position où il se trouve. C'est ça qu'il veut que vous compreniez. Donc alors que nous sommes en plein territoire où le péché s'est sévi, quelqu'un est quelque part en train de parler par rapport à ce qui va se passer là-bas. nonobstant les gens qui sont là. Est-ce que vous pensez que les gens qui étaient à Sodome comprenaient ce que Dieu disait? Ils savaient qu'il y avait un Abraham quelque part qui parlait d'eux. Ils savaient qu'un jugement était arrivé. Ils savaient que le péché avait crié jusqu'au ciel. Quelque chose était sur le point de se passer. Et les gens n'étaient pas au courant. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'iniquité du monde à la fin sera exactement à cette époque-là. J'aimerais bien vous poser une question, mais je vais la poser vers la fin. Continuons. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Vous avez vu ça? Le monde va mal. Le monde va mal. Voilà pourquoi des pensées sont en train de pousser toujours contre le chrétien. Quand vous dites n'importe quoi, on dit que vous voulez dire que les autres sont les démons. Vous voulez dire qu'en dehors de vous, il n'y a pas autre voie. Le monde va mal. Parce qu'une loi est en préparation. Une loi de l'unicité de la religion. Pour pouvoir pousser les chrétiens à la persécution. C'est-à-dire que ou bien vous vous soumettez à cette loi, ou bien vous êtes persécuté. Souvenez-vous de cela. C'est en train d'arriver. Le monde va mal. L'obscurité en train de vouloir prendre pour éteindre les dernières lumières qu'il y a sur la terre. Mais quelqu'un est en train de parler pour son peuple qui se trouve en plein milieu. Le monde va mal, très mal. S'il y a eu un moment parmi les époques depuis la création, vous parlez de Genèse chapitre 6. Cette époque-ci dépasse ce qui s'est passé en Genèse chapitre 6. Cette époque-ci que nous vivons dépasse ce qui s'est passé là-bas. Parce que les choses vont aller croissantes plutôt. C'est seulement parce que Dieu avait juré par son grand nom qu'il ne ferait plus passer le déluge sur la terre. C'est qu'au moins 4 déluges sont passés depuis 1900. On avance ici. Verset 5. Souvenez-vous, on dit que toute la population, depuis les plus petits enfants, les enfants, imaginez un peu comment les enfants ont pu avoir cette éducation. Que fait la télévision sur nos enfants aujourd'hui? Les enfants de 2 ans connaissent ce qu'on appelle le sexe. Vous pensez qu'on a réformé cette armée, ces jeunes armées qui sont innocentes là, dont le royaume, ceux qui veulent entrer dans le royaume sont censés être comme eux. On leur montre quoi à la télévision? Faisons la sortilège. Fais comme ça. Regardez ces cercles et la magie viendra vers moi. Vous avez entendu ça dans les Tintins? Allons, fusionnons avec le soleil. La Bible déclare que fais-toi attention de ces procédés devant le soleil. Qu'est-ce qu'on a d'apprendre aux enfants? Prends la bagaille magique, tape sur l'eau, et puis maintenant les sirènes sortiront. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre aux enfants? L'initiation à la sorcellerie. Et c'est le parent qui allait acheter la télévision, venait déposer aux enfants que Satan, éduque-moi l'enfant là comme tu veux. On dit depuis les enfants jusqu'au vieillard. Remarquez bien, on n'a pas dit jusqu'au grand. Donc même quelqu'un avec le vieil âge, il était là comme ça, ils sont les nouveaux trucs ici. Insatiables au péché. Donc depuis les enfants jusqu'au vieillard. Imaginez la perversion qui pouvait être là-bas. Donc, il n'y avait pas la morale. Si un enfant, ça veut dire qu'un enfant de 2 ans pouvait discuter un garçon, pour coucher avec un garçon, avec un père de 82 ans. L'enfant dit que, le père, tu as fait ton temps. Le père dit que, non, petit fils, on est parti, laisse-moi d'abord finir. Vous voyez dans quel pays on devait se retrouver ici. Et c'est en train d'arriver. Est-ce que vous savez que dans les pays européens, les homosexuels ont les droits les plus durs par rapport aux autres êtres humains? Donc quelqu'un de l'homosexuel te porte plainte, tu pars, tu vas en prison. On te taxe des xénophobes, homophobes. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu as parlé contre l'homosexualité. J'aimerais savoir quand cette loi-là va venir dans notre pays. J'aimerais savoir les prédicateurs qui pourront avoir l'audacité de prêcher contre soi et aller en prison. J'aimerais savoir. C'est notre pays ici. Vous voyez pourquoi en France les gens se sont tués. Chacun passe caché derrière l'écran. Il dit que l'homosexualité n'est pas bien. Personne, ils ne sort pas dans les rues pour parler contre ça et qu'on les enchaîne. Pourquoi? On n'a pas la puissance du Saint-Esprit. C'est cette chose qui va faire que l'Église reçoit une puissante visitation lorsqu'on est oppressé pour la bonne cause. Et chacun reste chez lui. Vous avez manqué, il est rassasié. Il dit que l'homosexualité est bon, la loi sur l'homosexualité n'est pas bon. Il faut dénoncer. Dénoncer. La Bible dit qu'il est honteux des dix qui font dans les ténèbres. Il faut condamner ces œuvres de ténèbres là au plus haut point. Non. Contre l'homosexualité, on ne peut pas parler. Il faut qu'on respecte la loi du pays. Vous voyez, jusqu'à ce qu'on niveau, quand on s'est compromis, que tu es qui pour parler contre Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu très haut. Tu vous tenez devant le juge. Il dit que sous votre honneur, tu es qui pour affronter la loi. Je parle au nom du Dieu Tout-Puissant, celui qui vous a créé. Ne crois-tu pas que tu vas donner 100 ans? Tu vas donner 100 ans ici, vivre des milliards, des centaines de milliards là-bas. Je ne sais pas dans quel pays on vit. Vous êtes prêts? Vous bougez la tête ici maintenant comme les lézards, parce que vous êtes dans cette nuit si vous mangez. Lorsqu'on va mettre la main sur vous, vous allez dire que c'est le frère Junior, je vais vous montrer là où il habite. Venez monter, il n'y a pas de problème. Martyr. Bon, continuons ici. Verset 5. Ils appelaient l'autre et lui dit, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ?» Donc, ils avaient les agents de renseignement sexuel dans le pays. Les agents de renseignement sexuel. Donc, gars, pose-toi dans la rue. Parce que la Bible déclare que c'est la nuit que les gars étaient là-bas. On dit qu'ils sont arrivés sur le soir. Les gars ont fait comme ça. Ceci, tu as touché ceci. Ils sont derrière bien. Les gars ont mis leur robe même blanche. C'est même pas encore entaché de sang. On dit que où est les hommes qui sont venus. Donc, ils avaient les agents de renseignement partout pour savoir. Sinon, comment on pouvait savoir qu'on entend seulement qu'il y a les homosexuels? Comment on fait pour se parler? Ils ont les codes. Chaque groupe a des codes. Les homosexuels n'ont pas besoin de faire le communiqué radio. Ils se réunissent quelque part, ils disent, mais comment ils ont fait pour savoir? Ils ont des codes. Vous passez dans les quartiers, vous voyez, ils ont jeté certains séchés sur le courant. C'est dans la zone. Alors, ils ont des codes qu'il faut. Vous asseyez, il fait comme ça. Alors qu'il a des cartes, c'est pour signaler que c'est lui. Les codes. Ils viennent. Ils disent, où sont les hommes qui sont venus ici chez toi? Avançons. Il dit, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc, ils ne passent pas par quatre chemins. Vous voyez ce qui pouvait être à l'intérieur de ces personnes-là. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermait la porte derrière lui. Et il dit quoi? Vous voyez, c'est l'une des paroles que nous n'aimons pas dans la Bible ici. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce que quelqu'un qui est proche du Créateur fait. Regardez ce qu'il peut faire. Il dit mes frères, il les appelle ses frères. Vous voyez ce qu'il peut faire là? Il dit mes frères, c'est terrible. Ton frère, quelqu'un qui vit dans l'iniquité, regardez, il dit mes frères, ne fais point de mal, car ces hommes sont venus s'abriter sur mon toit. Et les gens vont lui dire que nous ne sommes pas tes frères, tu es un étranger, si tu veux faire quelque chose, lui dit que c'est frère. Les gens sont là. Je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux, oh mon Dieu. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qui vous plaira. Vous entendez ce qu'un père peut faire à ces deux filles? Vous avez vu cela? Combien le péché était là-bas jusqu'à ce que lui-même était prêt à se compromettre. C'est-à-dire qu'il était prêt à faire le mal pour pouvoir faire le bien. Pourquoi? Parce qu'on ne discernait plus ce qui était bien devant le Seigneur. Voici ce qu'un père d'enfant peut faire pour protéger les étrangers qui sont venus. C'est-à-dire que pour qu'on ne confère pas l'homosexualité, il préfère qu'on fasse la fornication. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourtant, quelqu'un couche avec une vierge d'Israël sans l'épouser, il faut la lapidation. Donc ici, il dit que non, ne faites pas l'homosexualité. La fornication est bien. C'est pas ce qu'il a dit là. Il dit que vous allez faire ce que vous voulez, ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit... Retire-toi, il dit encore, celui-ci est venu comme quoi? Lui, il les appelle quoi? Eux, il l'appelle comment? C'est terrible. Considérez-vous comme vraiment les étrangers sur cette terre-ci. Considérez-vous comme les étrangers sur cette terre-ci. À moins que vous appelez les autres, vos frères, dans l'optique de vous souiller avec eux. Vous entendez cela? Continuons. Et il va faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Donc, ça veut dire quand on va finir avec eux, on va te récupérer. Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Vous entendez? Quelqu'un a posé la question aujourd'hui sur le corps. Lorsque l'homme, l'un et l'autre part. Remarquez très bien que depuis le chapitre 18, on parle des hommes. Or, nous savons que ce sont des anges ici. N'est-ce pas? Hein? Des messagers. Ils avaient la forme humaine exactement comme nous. Qui sait que ce n'est pas les anges au sens de Michael? Qui parmi vous sait qu'il ne s'agit pas des anges au sens de Michael, mais des êtres humains ici? Bon, on avance ici. Bon, de toute façon, comme vous savez, nous ne savons pas où. On avance. Verset 10. Les hommes étendirent la main firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Donc même quand l'aveuglement est venu, les gars tâtaient comme ça là. Que pour dire, c'est pas l'heure qui fait ça. Quand on va t'attraper, tu vas nous dire où tu te trouves. Imaginez, ça veut dire que le péché avait dépassé le paroxysme aussi. C'est-à-dire, même si l'aveuglement est là, le gars avait toujours continué à faire le péché. Qu'est-ce qu'on a de voir? On avance. Les hommes disent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Ça, c'est l'appel à ce que chaque personne règle sa famille, règle sa vie. Donc, réglez vos vies devant Dieu. Faites-les sortir de ce lieu. Quittez cette atmosphère. Quittez cette atmosphère. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui est en train d'arriver. J'espère que vous me saisissez. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyé pour le détruire. Donc, vous voyez effectivement que la discussion que Dieu avait avec Abraham, la sanction était déjà là. Donc, il savait que n'importe quoi, n'importe comment, on va seulement les détruire. Continuons. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Donc, les gendres avaient pris les filles, mais il avait décidé maintenant de donner ces filles-là maintenant à qui? Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est toujours l'état du monde. Chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose, le fait que ça a duré, il a duré avant d'agir, les gens croient toujours qu'il y a toujours, c'est de la plaisanterie. Mais voici la chose. Lorsque le premier signe du jugement commence à arriver, quand vous aurez le temps, prenez le temps de lire Apocalypse chapitre 16. Lorsque le premier signe du jugement commence à s'abattre, il n'y a plus de possibilité de repentance. Souvenez-vous de cela. Lorsque le premier signe commence à venir, boum, il n'y a plus de possibilité de repentir. Quand on fait boum, vous entendez seulement Dieu lui-même la faisait quoi? Vous dites que Dieu, pourquoi ça fait comme ça là? C'est ce qu'Apocalypse dit qu'ils vont dire. Au lieu de faire comme ça, ils vont blasphémer le nom de Dieu qui est assis sur le trône à cause de ces flux, parce que la douleur était terrible, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas que c'est par suite d'accumulation de leur propre façon de vivre qui a amené cela. Voilà le vrai problème. Qu'est-ce qui arrive? C'est l'aveuglement. L'aveuglement pour qu'ils soient condamnés et jugés tels que. On dit qu'aux yeux de ces gendres, il paraît qu'il n'a jamais entendu pareille chose. Que Dieu va détruire la ville, le feu va sortir en haut. Que le feu va sortir en haut. Comme tu ne vas pas, quelque chose ne va pas chez toi. On allume le feu ici en bas, que le feu va sortir d'où? En haut. Il avait dit que c'était l'eau. L'autre a dit que ta tête ne tient pas, l'eau sort d'en bas pour aller. Toi, tu dis que l'eau va sortir, c'est venu. Il dit ici que Dieu va détruire. Ces gendres disent que le père, c'est sûr que quelque chose ne va pas chez lui. On blague avec Dieu. Depuis que Dieu a dit qu'il va revenir, jusqu'à en revenant, prends la main de Jésus. Tu es Jésus, on blague. La Bible déclare qu'à la fin des temps, il y aura des yaraéli comme ça. Beaucoup de gens vont venir en disant que oui, la promesse de son avènement. Mais il est une chose, bien aimé, qu'on ne doit pas ignorer. C'est qu'un jour, un jour est devant lui comme un, mis en son comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme le sujet certaines personnes. Mais il use des patients, ne voulant pas que tous périssent, mais que tous parviennent à la repentance. Il attend que la totalité des païens entrent, comme Romains chapitre 10, chapitre 11 l'a dit. Que la totalité, quand ils vont entrer, quand la porte, quand il va se lever, comme il dit lui-même, et la porte sera fermée, il dit que maître, ouvre-nous. Il dit, je ne sais pas, je ne sais d'où vous êtes. Seigneur, Seigneur, ça sera terminé. Donc souvenez-vous, lorsqu'il se lève et que le signe du jugement commence, bam, il n'y a plus de possibilité. Enfin, même si tu veux te repentir, tu n'as plus l'esprit de repentance. Tu vas commencer à chercher maintenant les blasphèmes. On continue. Verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il t'a dit, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Le monde va mal. Le monde va bientôt recevoir les jugements de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Vous avez moi. De Pierre, chapitre 2. De Pierre, chapitre 2. Parlons des faux enseignants. 2 Pierre, le chapitre 2. Parlant des faux docteurs qui viendraient à la fin du temps. J'ai dit 2 Pierre, le chapitre 2. Parlant des faux enseignants qui viendraient à la fin du temps, Dieu les a condamnés ici en donnant des avertissements pour eux. Et pour nous également, les mises en garde, afin qu'on ne tombions pas dans leur filet. Il dit au verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. Vous remarquez là où les anges se trouvent? C'est là où les gens partent les suivre maintenant dans les différentes casernes là-bas en haut. Allons sur moi, y a-t-il une vie en masse? On a vu des présences là-bas, des ténèbres, pour qu'ils donnent de la connaissance. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé notre, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Où est ça? C'est pas fini. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure, n'est-ce pas? Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à. Donc Dieu mettait la signature. Quand il a fait ça, ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 18 et 19. Quand il a fait ça, voici ce que Dieu voulait exprimer. Plus tard, quand le monde sera dans l'impiété, c'est comme ça que je vais brûler. Dieu ne détruira plus le monde par l'eau. Il a déjà dit, ça ne va pas changer. Mais il a promis de détruire plutôt par le feu. D'accord? Donc c'est le feu maintenant que nous attendons. Il y a eu le moment où c'est l'eau. Puis le sang est venu pour toucher. Maintenant, la dernière étape, c'est le feu. Ça doit être le feu. La Bible déclare ici que réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant. Donc, Sodome et Gomorre, c'est l'exemple aux impies à venir. Ça, on écrivait à venir comme ça quand c'était devant eux. Donc, nous sommes en plein là-dedans. On parlait de nous qui sommes devant ici. Regardez bien. Et s'il a délivré le juste, l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Vous avez vu ça? Sans frein. Donc, ils grandissaient de jour en jour dans le péché. Un peu comme la Bible déclare de nous, de qu'on grandit dans la sainteté. Eux, ils grandissaient dans le péché. C'est ce que nous venons de lire là, non? Malgré l'aveuglement, ils ont tâtonné pour chercher la porte. Pas qu'ils tâtonnaient pour aller chercher comment rentrer. Ils se donnaient la peine pour trouver la porte. Ils tapaient le mur comme ça. Que, où est sa porte? Où est sa porte? Vous voyez ça, frère? Soulignez. C'est juste profondément attristé sur eux. Maintenant, regardez. C'est juste l'autre profondément attristé de la conduite de ces hommes. Donc, c'est quelqu'un qui était en plein milieu. Écoutez très attentivement. Il était en plein milieu de ses péchés, de ses pécheurs. Il ne savait que faire. Il souffrait à l'intérieur. Il souffrait à l'intérieur. Il voyait. Disons ici, verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et de leurs œuvres. Après, on dit le Seigneur s'est délivré quoi? De l'épreuve, les hommes pieux. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Puis conclure, écoutez très attentivement. Nous parlons des marques authentiques de ce siècle. Verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Vous avez vu cela? Donc, le péché sexuel, c'est terrible. C'est ce que la Bible a dit. Je vais d'abord déposer ici pour parler un instant. Le péché sexuel. Ceux qui vont voir l'impureté, la masturbation, pornographie, les fornications. La Bible dit, Dieu il dit qu'il s'est délivré les justes. Il veut dire par là que l'autre, c'était son épreuve. Il était mis là-bas pour éprouver. Pour que l'autre nous serve d'écriture et d'exemple. Pour montrer ce qui devait arriver. Et si ça devait arriver comme ça, alors il y a les âmes justes qui devaient se trouver en plein milieu de la perversité. Effectivement, Philippiens chapitre 1, verset 15-16 nous dit clairement qu'on soit au milieu de cette génération perverse et corrompue, qu'on porte la parole de vie, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il dit? C'est dit là, n'est-ce pas? Au milieu d'une génération, en plein milieu, comme lui avait été dans le milieu, on nous attend à ce que nous portions la parole de vie. L'apôtre Paul dit, en ce temps-là, il pourra se glorifier d'avoir prêché, de ne pas prêcher en vain. Je dis ceci, l'autre étant en plein milieu, la Bible déclare que ce juste-là tourmentait journellement son âme par la conduite impie de ce qu'il voyait et entendait. Je pose donc la question, c'est sur ça qu'il veut m'arrêter pour qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce que nous entendons chaque fois? Qu'est-ce que nous observons chaque fois? Ma question c'est, quel est l'état de notre âme en voyant ces choses? En voyant les femmes marchant nues devant nous, les seins exposés, les cuisses dehors. Quel est l'état de ton cœur alors que tu vois? Tu vois cela désirant que ta femme s'habille comme ça, c'est que tu es un fils de Sodome. Le même esprit qui était sur Sodome est en toi. Ça va grandir bientôt. Souvenez-vous. L'âme doit être juste. Si l'âme est juste à l'intérieur, toute âme juste rejettera l'impiété. Toute âme juste rejettera le péché avec énergie. Toute âme juste soupira, plaît au Dieu Tout-Puissant. Quand ton âme est juste à l'intérieur, quand tu regarderas ces personnes comme ça, tu auras une crainte mêlée de sainteté de Dieu pour par rapport à cette personne. Mais lorsqu'il faudra affronter la personne, tu vas parler avec une juste condamnation. Souvenez-vous, pas la personne. Condamner l'acte et le péché avec énergie. Sans blaguer. Vous comprenez ce que je veux dire? Maman, tu es belle parce que tu as vu sa cuisse. Fils d'Akab. Je recommence encore. Ce que nous entendons et que nous voyons, qu'est-ce qui résonne dans notre cœur? Quand nous entendons les gens, les enfants qu'on sacrifie, qu'on a trouvé un enfant sans tête, qu'est-ce que ça nous fait? Vous pensez que le sang de cet enfant innocent qui a été versé, qu'est-ce que la terre est en train de déclamer à Dieu? Le sang de Abel, le juste, criait de la terre, ça, la voix entendue de Dieu. Le sang des justes qu'on a versé pendant la guerre, dans les fours crémaillères, crie. Et pour eux encore, c'est écrit dans la Bible, Seigneur Saint, jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance sur les habitants de la terre? La Bible déclare qu'il est fait de rester encore pour que certaines personnes comptent sur eux pour qu'ils se joignent là-bas. Avant que Dieu arrive. Vous voyez qu'on est à quel niveau là-dedans? On se trouve à quel niveau? Vous comprenez? Regardez, les gens, dans le livre des Jonas, Dieu dit, quand il a envoyé le prophète Jonas aller prêcher, quand il a prêché, toute la ville, la Bible déclare même les bœufs, les ânes se sont repentis. Personne n'a mangé ce jour-là. Prier, jeûner, depuis le roi jusqu'au plus petit. La repentance est arrivée. Dieu a amené la paix sur l'heure. Il a arrêté son jugement. Qu'est-ce que Dieu en a de faire? Dieu montre effectivement là que si le peuple tourne le cœur vraiment vers lui, il y sera favorable. Je recommence encore. Nous sommes en plein milieu d'un jugement qui est sur le point de frapper. Nous sommes en plein. Je ne dis pas notre nation, je dis pas toute la terre, tout entière. La terre sera secouée sur sa base. La terre sera secouée sur sa base. Sous sa base. Vous saurez l'avant, le signe avant-coureur, c'est-à-dire que même si vous quittez la terre, c'est pour l'enlèvement. Le signe va arriver sur la terre, vous allez voir que si ceci est arrivé, alors quand on sera pour cette terre, ce sera terrible. Parce que les brindilles de lumière, des petites lumières scintillent sur la terre, alors que l'obscurité est en train d'emballer la terre. Emballer la terre. Souvenez-vous, au fur et à mesure, lorsque la lumière s'éteint, vous voyez effectivement que plus on éteint la lumière, plus l'obscurité s'avance. Pas vrai? Quand les chrétiens qui sont éclairés meurent, de la terre, comme il disparaît, l'étoile s'éteint. Quand c'est comme ça, ceux qui sont compromis, ils mettent la télévision à la maison, la nuit, sans devoir la pornographie, pap, les ténèbres entrent. Petit à petit, ça entre, ça prend. Les gens qui priaient, ils ne prient plus, pam, les ténèbres entrent, petit à petit, ça doit les dominer. C'est pour cela que les lois impies vont être votées partout sur la terre, sans opposition. En fait, les gens qui vont se lever, descendre dans les rues, pour dire que nous ne sommes pas pour cela, ils sont dans le cadre de Satan. Parce qu'on ne doit pas s'opposer à cela. Ça doit arriver ainsi. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Vous avez lu ça dans la Bible? L'iniquité va s'accroître. Qu'est-ce que nous devrons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu te lèves pour prêcher contre ces choses-là, on te taxe de fanatique, d'extrémiste. Que tu juges les gens, tu es qui pour juger les gens? Tu dis que tu es qui? Je suis le fils de Dieu du jugement. Tu es qui pour parler contre ces choses? Vous pensez qu'on doit avoir une pensée unique? Grave encore, on est attaqué, on dit non, les Africains faut retourner à la religion de leur père. Entre temps, le 8 mars est par là. Vous voyez, dans le 8 mars, on lutte comme ça pour l'égalité femmes et hommes. Les Américains qui ont créé ça, ils ne sont plus dedans. Les Africains ont ramassé. La religion africaine dit que l'homme et la femme ne sont pas égales. Ils sont dit qu'il faut retourner à la religion de leur père. Les femmes sont ici en train de gréver pour 8 mars. Quand ils vont se retrouver entre eux dans la religion, là, ils vont avoir les problèmes. Dieu est à l'œuvre pour sortir son peuple au milieu d'une nation impie, d'une génération perverse et corrompue. Vous avez moi un Thessaloniciens chapitre 5. Je crois que j'ai donné ça aujourd'hui. Un Thessaloniciens chapitre 5. Quel est votre état lorsque vous êtes devant, jusqu'à ce qu'un enfant de Dieu s'assoie devant un film? Il dit Nollywood. Il voit comment les gens fument, comment les femmes tournent les fesses, comment les gens couchent, les pasteurs couchent. Comme il voit, il absorbe dans son âme l'âme qui doit être juste. Il absorbe, il dit qu'il est en train de vouloir recevoir les enseignements. Donc il faut comme ça pour apprendre les enseignements, pour voir ce qui se passe dans la vie quotidienne. Quelque chose d'autre veut se nourrir dans toi. Il te faut la délivrance. Quand je vois Nollywood, il y a des choses éducatives là-dedans. Éducatives, tu parles. On avance. J'avais dit le verset combien là? Tu vois, je crois qu'il avait dit 3 à 15, c'est ça? Prenons à partir du verset 3 donc. Quand les hommes diront paix, nous y voilà. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Vous avez vu ça? Vous avez vu? C'est sans équivoque. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Allez seulement sur le site des Nations Unies, tapez www.onu.org. Première chose qui sort, c'est paix et sûreté. C'est un signe pour vous montrer que c'est eux. Ils vont dire que c'est. Enfin, il y a même le journée mondial de la paix, non? Il y a même le moment où les églises, tout le temps, tendance sérieux pour prier pour la paix. Pas vrai? Le 1er janvier, on a réuni pour, ici à Yaoundé pour prier pour la paix pour le Cameroun en confiant le Cameroun à la 37e vierge. Pas vrai? Je ne sais pas où on est allé. Il est temps que chacun cherche la face de Dieu. Il est temps que chacun cherche la face de Dieu. Parce que le jour viendra où vous n'aurez pas le temps de vous tenir avec un frère pour méditer. Le jour viendra où vous n'aurez pas le temps de lire ces écritures. Il faut que l'écriture quitte là-bas pour habiter votre cœur. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Vous avez vu ce qui est prophétisé? Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Dans ce Jean 14 là, le Seigneur Jésus qui dit que je vous donne la paix. Je vous la donne. Pas comme le monde. Donc il y aura un pseudo paix sur la terre. Pas comme le monde. Pas comme le Seigneur Jésus a donné. Le Seigneur Jésus n'a pas donné la paix au monde. Il a donné la paix à ses disciples. Mais le monde va façonner sa part de paix. La paix sans entente. La paix avec chacun. Donc, vous dites l'Iran. Mais regardez ce qu'ils vont faire maintenant avec leurs dirigeants. Regardez ce qui arrive là maintenant. L'Iran a son arme de destruction massive gardée ici. Les États-Unis, pour lui, est gardée ici. La Chine, pour lui, est gardée. Derrière, la France, pour lui, est gardée. Pour la Russie, c'est gardé en deux. Deux. Ils marchent même avec cela partout. Ils s'assoient sur une table et disent que non, parlons la paix. Chacun va prier la paix pour guetter son voisin comme ça. Là. Tu fais de l'erreur, pam, l'autre lance sa part. Et c'est comme ça que ça va aller. Une bombe atomique, et ça va déclencher. Voilà pourquoi c'est écrit dans votre livre de Daniel que la troisième guerre mondiale sera la plus dangereuse. Troisième guerre, parce que c'est la guerre des alliances. Tu touches Irak. Comme Irak est lié avec telle personne, si tu touches Irak, tu as touché celui-ci. Et comme celui-ci est lié avec celui-ci, c'est celui-ci avec celui-ci, celui-ci. Donc en allant toucher Irak, il faut que aussi tu aies les gens derrière toi. Donc c'est terrible sur la terre. Terrible sur la terre. La guerre nucléaire. C'est ce qui est dit dans la Bible que la troisième guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire. La Bible déclare que la première frappe va faire mourir le tiers de la population mondiale. Vous avez ça dans votre Bible? Vous avez lu dans votre Bible comme ça? Le tiers. Donc nous sommes 7 milliards, donc près de 2 milliards de personnes vont mourir en une frappe. Donc ça veut dire que nécessairement les continents vont disparaître. Alors où est-ce qu'on se retrouve? La Bible déclare que lorsque les hommes vont crier paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'échapperont point. Verset suivant. Mais vous, vous avez vu? Donc ceci, cette colère-ci est destinée pour les autres. Nous, j'espère que vous allez comprendre ce qu'on a de parler. Nous parlons de l'état du monde et l'état de notre cœur en réaction à ce monde-là. Mais vous, frères, remarquez bien comment il a précisé. Il s'adresse maintenant aux frères. Vous n'êtes pas dans les pour que ce jour vous comme un voleur. Vous avez vu cela? Donc en réalité, même quand je prêche comme ça, je sais que enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ça me plaît plutôt. Parce que de toute façon, si ça arrive, c'est mon père. Quand il tire, il sait sur la tête ce qu'il tire. Il ne peut pas tirer sur moi. Je suis ici pour son œuvre. S'il veut, tirer, c'est boum. Il va dire qu'il va de l'autre côté. Comme il a fait avec l'autre. Qu'il va. Ça, il va faire boum. Donc souvenez-vous. Vous êtes, verset 5, tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ils ne sont point de la nuit ni des ténèbres. Vous comprenez l'implication? Je ne veux pas de bruit, laissez-moi parler doucement. J'ai dit ça aujourd'hui. Il dit, nous ne sommes pas du jour, de la nuit, pour que ces jours-là nous surprennent. C'est ce qu'il a dit. Ok, souvenez-vous de ceci. Il dit, nous ne sommes point de ténèbres. Alors, ça veut donc dire qu'il ne faut pas que tu dis que tu es enfant de la lumière et que tu pratiques les œuvres de ténèbres. Parce que c'est l'identité. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Vous vous souvenez de cela? Alors, quel est ton style de vie? Quels sont tes plaisirs? Tes désirs? Tu soupires à quoi? Tu veux prendre quelle identité? Tu souhaites quoi? Quelles sont tes pensées? Tu es canalisé par quoi? Conduit par quel genre d'enseignement? Sur quoi médites-tu chaque fois? Ton cœur est attiré par quoi? Là, tu sauras si oui ou non. Tu marches selon la lumière ou selon les œuvres des ténèbres. Il dit que nous tous, nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes du jour. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres pour que ces jours-là nous surprennent. Donc, ça veut dire que les enfants de la lumière, ça ne doit pas les surprendre. Vous avez un rôle à jouer, souvenez-vous. Il ne s'agit pas que de dire, je suis du jour. Tu es du jour, produis donc les œuvres du jour. Pour les ténèbres, on n'a pas besoin de dire de produire les œuvres des ténèbres. Ils produisent leurs œuvres directement. Vous suivez? Ils produisent leurs œuvres directement. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Aucun injuste. Il dit quelqu'un peut se tromper en croyant qu'il va entrer dans le royaume. Il dit, quand il veut vivre comme ça, il va entrer dans le royaume. C'est pour ça qu'on prêche aux gens, dit que non, si je suis prédestiné, ce qu'il veut faire. Si tu es de manguier, tu dois produire la mangue. On dit que non, que frère, si tu dis comme ça que quelqu'un est prédestiné à aller en enfer ou bien prédestiné à la vie, ça veut dire qu'il peut rester dans le péché. Mais c'est ça qui montre clairement qu'il est dans l'autre sémence. Parce que plus tu comprends ton peuple, plus tu connais ton peuple, plus tu te sanctifies. Parce que celui qui t'a appelé est saint, tu commences à prendre la nature de ton père. Quand les fils des présidents sont comme ça, ils sont à l'école comme ça, ils jouent comme tout le monde. On le chiffre, il pleure. Il grandit, il se rend compte qu'il y a un gars du corps à côté de lui. Quand on l'ouvre la voiture, il était un enfant. Pendant que toi tu marches sur le soleil te brûle bien, tu mets ton cartable sur la tête. Il commence à voir qu'il y a une différence. À 18 ans, il voit effectivement comment il dit, toi, va là-bas, le garde du corps court. Il commence à comprendre qu'il y a une différence. Il ne porte plus n'importe quelle habit, il ne va plus n'importe où, il ne se comporte plus n'importe comment. Il a compris qui est son père. Toi, tu rentres, tu vas au champ, tu marches, tu boutonnes ton habit, un côté plus long que l'autre. Lui, il est soigné, on le soigne seulement. On demande, s'il veut courir, le gars du coco derrière lui pour le faire qu'il ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît qui est son père. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on connaît notre père, on commence à marcher selon sa ressemblance. Donc souvenez-vous, vous devez méditer sur ce que vous pratiquez. Vous devez méditer sur là où vos cœurs vous attirent. Parce que souvenez-vous de ceci, ne manquez pas. Et ne vous mentez pas. Vous sortez de votre corps, votre cœur, votre âme, vous serez attiré vers le lieu qui attire votre plaisir sur la terre. Souvenez-vous de cela. Vous sortez de votre corps, votre âme ira à l'endroit qui faisait votre plaisir sur la terre. Ne pensez pas que vous mourrez, bon, votre âme va aller dans les délices. Non, ne pensez pas cela. La Bible déclare que faites attention par rapport à ces choses qui font la guerre à... Il appelle ça la convoitise charnelle. Vous devez veiller à cela. Qu'est-ce qui entretient vos quotidiens? Passez le temps à la télévision et pensez que vous allez mourir, aller là-bas. L'ange va dire que ouais, oh Gabriel. Gabriel, là, tu as bien accompli la volonté du Seigneur. Tu as vu le Jack Boy bien même. Tu as vu Prison Break. Tu as reçu beaucoup d'enseignements. Tu parles. Souvenez-vous de cela. Ne vous y trompez pas. Ôtez de votre voix tout ce qui peut vous amorcer dans la convoitise. Ôtez. Ne philosophez pas. Ôtez de votre voix quiconque ou n'importe quoi qui peut vous entraîner à la chute. Ôtez. Que ce soit votre père, votre mère, vos frères, vos soeurs, que ce soit vous-même. Ôtez. Ôtez. Toute personne qui peut se mettre entre toi et le Seigneur, ôtez. Toute chose qui peut se mettre entre toi et le Seigneur, ôtez. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il. Ok. Quand vous lisez, vous comprenez le poids de cela. Continuons ici. Verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Vous suivez cette exhortation? Ne dormons. C'est pas pour dire qu'on se couche pas au lit pour dormir. Souvenez-vous de le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il dit que soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Soyons sobres, sobres, vigilants. Comment vous allez être vigilant alors que vous abandonnez la Bible chaque fois? Comment vous pouvez être sobre? Vous pouvez veiller sans être dans la présence du Seigneur pour en tirer la force. On dit que c'est de lui que toute la juventude tire son accroissement. C'est en lui que tout le temple, tout le corps, l'édifice se lève pour être une maison d'habitation de Dieu en esprit. C'est en lui. Comment on peut fuir sa présence et espérer qu'il agit au travers de nous? Allons vers le Seigneur Jésus-Christ. Courons vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas la possibilité. Allons vers lui. Vous pouvez. Parce que vous avez la possibilité pour faire le mal. Vous avez la possibilité et la facilité. La Bible déclare que le péché qui nous entraîne facilement. Pourquoi? Parce qu'on est baigné à l'intérieur. Il dit que des choses terribles arrivent sur cette terre-ci. Vous restez comme ça, vous êtes étonné comment les êtres humains peuvent réagir. Vous parlez de Sodome et comment? La semaine dernière, j'accompagne mon épouse au marché pour qu'elle fasse les marchés à Sandaga ici. Je suis dans la voiture à l'extérieur. Elle descend dans le marché. Je vois un garçon sort du marché. Vous venez m'appeler que votre femme vous appelle là-bas. Je descends, je viens. Elle dit que voici une femme qui fait le restaurant. On s'assoit là-bas. Elle dit qu'elle veut manger. Je dis ok, mangeons donc. On mange le temps qu'elle cherche qu'elle va acheter. Une fille dehors est en train de me draguer. Jusqu'à envoyer le garçon là que va prendre le numéro de ce type-là. Ma femme était assise. J'ai dit à ma femme que chérie, attends. La fille est en train de me draguer. Ma femme ne savait pas ce qui s'est passé parce qu'elle avait le dos. J'ai observé tout ce qui s'est passé. Le garçon aussi vient. Et le garçon est ami avec ma femme parce que c'est le porteur. Quand on achète quelque chose au marché, c'est lui qui porte. Il fait devant. Il croit que ma femme ne voit pas. Avant qu'il ne vienne, il dit à ma femme que le gars là, il est en train d'envoyer le gars là. Le gars vient. Il dit, elle vient, elle prend le numéro. Elle fait comme ça. Vous savez quand les policiers font avec les taximans. Il fait comme ça. Je donne le numéro. Je dis, chérie, donne-moi le bic. Il ne sait pas qui a donné le bic. J'ai écrit le numéro. Je lui ai donné. Elle a appelé. Elle dit, ça fait 3 ou 4 jours, je vous appelle, votre numéro ne passe pas. Il dit, une femme, et ma femme va vers elle parce qu'elle vend les avocats. Ma femme lui dit que comment tu nous donnes les avocats qui sont comme. D'abord, ma femme me dit que, comme il te drague comme ça, prends les avocats. Il dit que chérie, Dieu ne m'a pas appelé à l'iniquité. Ne prends les avocats, on peut manger. Et il dit, chérie, ne prends pas les avocats. Laissons-leur venir pour voir jusqu'à où. Vous voyez la pensée. Et elle a les enfants, elle a un mari. Elle appelle et dit, bonsoir madame, oui, bonsoir. Comment va ton mari? Et les enfants, ils vont bien. Mais c'est quand même terrible. Vous savez, au moins s'il y avait le col pastoral, c'est qu'il y a un des pasteurs, ça c'est un pasteur. Comme j'étais là comme ça, frère, elle a dit que non, celui-là ne mérite pas cette fille-là. C'est moi qui mérite. Donc, quel monde nous vivons. Quel monde nous vivons? Ma femme dit que demande les avocats. Après, elle vient devant lui. Elle dit que c'est cette femme qui vient devant ma femme. Ma femme lui dit que comment tu me vends les petits avocats? Elle dit que Marco, tu vas encore revenir acheter ces avocats. Elle dit comme ça en regardant ma femme comme ça. Et je suis à côté. Elle oublie qu'elle a donné le numéro là. Là, c'est devant elle que ça se passe. En partant, elle me fait les yeux comme ça. C'est terrible. Vous parlez de Sodome et Gomorre. Une femme mariée. En train de draguer le mari de quelqu'un en plein. Et un serviteur du Seigneur. C'est plein. Il y a des histoires comme ça, il peut vous raconter, que nous vivons chaque fois. On est allé à la présidence une fois, à la présidence. C'est un garde du corps du président qui la draguait. J'étais assis comme ça, comme je suis court. Il draguait comme ça là. Quand il était prêt, il s'en est pris le numéro de ma femme. Ma femme s'est tournée. Il dit, donne-lui le numéro. Il donne le numéro. Je l'ai filmé. Il dit, tchaka, il dit, vous pouvez filmer. Oui, je filme. Il fait, tchaka, sa photo se trouve là. Quand elle a filmé, ma femme a dit, il était prêt à mon mari. Il a dit, oui, grand frère, bonjour. Bonjour. La photo était déjà prise. Qu'est-ce qui ne va pas, les hommes? Insatiable au péché. Alors, souvenez-vous, le moment va arriver, on va seulement vous agresser. Vous prendre. Continuez ainsi. La Bible déclare verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Je ne sais pas si vous payez ce qu'on a dit ici, ce que l'apôtre parle de parler. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Quittons les ténèbres. Il faut que vous sortiez d'ici déterminés à abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies. Parce que vous pouvez sortir ici, vous ne reviendrez plus jamais. Je vous le dis. Depuis que je sais le Seigneur, j'en ai vu des tas. La dernière fois, c'est cette soeur-ci, sa grande soeur est venue ici, je suis allé l'accompagner jusqu'à Makedonie, après Yaoundé, après Tonga. On est allé là-bas. Et ils pensent que parce qu'ils ne veulent pas n'importe où, n'importe comment. Et ils pensent que c'est peut-être pour eux que je suis allé pour un ami qui était là-bas. Depuis, on a causé, ils sont venus deux. Ça faisait plus de 15 ans, on ne s'était pas vu. Ils entendaient seulement qu'ils prêchaient. Les deux sont venus à la maison comme ça. J'ai prêché et donné ce même témoignage qu'ils m'avaient vous donné maintenant. Ah, je n'oublierai jamais. Et chaque fois, j'ai remarqué quand ils donnent ce témoignage, quelque chose se passe par la suite. J'ai prêché. Un a dit, lorsque, il dit, ça fait 15 ans, on ne s'est pas vu. On a fréquenté ensemble. Quand j'ai prêché, il voyait tout était clair. L'autre est sorti, on s'est parti, c'était terminé. Celui qui est resté, il m'a dit, mais tu dis quand même les choses vraies. Je lui ai parlé de la part de Dieu, parlé. Quand je suis rentré ici, il est décédé. Vous entendez ce que vous savez que ça peut, ce que ça veut dire là? Et je leur avais dit là-bas qu'un de ces jours, je prêchais dans, quand je venais de croire. J'ai prêché à un militaire. Vous allez raconter l'histoire de ce militaire-là. Il est rentré. Tout le monde, il y avait plus de 20 personnes. J'ai prêché. Il est rentré, il est venu avec sa tenue militaire. Il a porté son enfant. Je me suis rendu compte que toutes les 20 personnes qui étaient là étaient parties. Il était seul. J'ai compris que c'est à lui que Dieu voulait que je parle. J'ai parlé de la nécessité de la repentance et du salut au travers du Seigneur Jésus-Christ. J'ai décidé que il y a H ici, homme. Il y a Dieu là-bas, D, et il y a J. L'homme ne peut aller en Dieu, à Dieu qu'au travers du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu avec l'orange, effacé comme ça. Il dit que non, il n'a pas besoin de Jésus pour arriver à Dieu. J'ai entendu, TAM! J'ai entendu, TAM! Comment fermer les portes là? À l'instant, il a dit, c'est en plein midi. J'ai entendu une porte se fermer, TAM! Quand à l'instant, il ne pouvait plus parler. Je suis tourné, je suis parti. Le lundi qui suivait, il était le seul qui était moi à Bakassi. Vous voyez ça? Donc, il dit, réglons nos vies. Un jour, je me tiens à l'université là. Je me tiens là-bas sur la montagne. Je suis en train de prêcher. Prêcher à l'endroit où on appelle montagne des oliviers. Je prêche chaque jour. Un groupe de filles sont venues. Elles étaient en maîtrise. Elles viennent, elles écoutent comme ça. Elles écoutent. Après, je n'oublierai jamais cette fois. Une est passée au milieu. Elle a dit que courons vite pour qu'on puisse aller occuper le place parce que le professeur va bientôt entrer. À l'instant, il parlait. Je n'oublierai jamais cette prédication. Mais si tu le veux, il dit, vous pouvez avoir cette maîtrise-là, n'est jamais entré. Et même, ce soir, vous pouvez aller comme ça, n'est jamais avoir cette maîtrise. Ce soir-là. Et vous savez, ça s'est passé à la radio et à la télévision. Une parmi elles est partie comme ça, rentrée à 22h le lendemain. Elle est morte à 22h. C'est son petit ami qui l'a tué, qui était coiffeur. C'était passé à Canal 2. On dit qu'une fille de l'université a été tuée par son copain. Pourquoi? Parce que le gars payait la pension depuis. Quand elle est arrivée à maîtrise, ses yeux sont ouverts. Elle dit que chien comme ça, qui veut déposer? Le gars disait qu'il a compris que ici là, il faut seulement tuer. Il a tué. Et là, ça avait été prononcé que certains d'entre vous ici peuvent aller ne plus rentrer. Le lendemain, je me suis tenu toujours là-bas. Elle passait encore comme ça. Chacun bougeait debout comme cela. Bougeait debout que la fille qui était ici hier, elle m'a dit, il m'en fout. Son corps est réglé. Il manque vous là maintenant. Là. Donc je voulais dire la même chose ce soir. On peut se séparer ici. Certains d'entre vous n'arrivent même pas à la maison. Alors il faut que chacun mette sa vie en ordre. Parce qu'à tout moment, il peut lui demander de sortir du monde. Parce que ne pensez pas que vous êtes assez ou parce que vous vous sentez bien que vous ne pouvez pas mourir. On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. On n'a pas besoin d'être malade. Vous vous couchez comme ça, Dieu vous appelle tout simplement. Souvenez-vous de cet homme de Luc chapitre 12. Il avait tellement de biens. Peut-être vous pouvez avoir le médecin ou le garde du corps. Mais ce qu'il a pensé en son cœur, Dieu a dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui vas-tu le faire? Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc Dieu, la Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Donnons tout notre cœur, tout ce que nous avons à vivre, soumettons cela au Seigneur Jésus. Vous suivez? Réglons nos vies afin qu'il n'y ait pas de traces de péché dans nos vies. Réglons nos vies. Vous ne pouvez pas régler vos problèmes de pensée en entretenant, en gardant les choses qui entretiennent cette pensée impure. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas venir dire à Dieu, Seigneur, pardonne mes mauvaises pensées, sachant que voici la source de ce qui produit les mauvaises pensées. Vous devez vous en séparer. Il faut qu'il y ait une ligne de séparation. Il faut que vous séparez les choses qui vous causent des problèmes. Identifiez les choses qui vous créent des occasions de chute et enlevez cela. Identifiez et enlevez. Désirez la sainteté, désirez la présence du Seigneur, désirez sa nature, désirez sa présence. Désirez qu'il agisse en et au travers de vous. Désirez. Et c'est disponible. Il dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Le Seigneur désire cela. Il désire ça plus que toute autre chose. Il désire cela plus que ton avenir. Il désire ça plus que ton mariage, plus que les bénédictions que tu cherches. C'est la sainteté qu'il veut. Recherchez la paix et la sanctification. Et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous suivez? Vous pouvez être malade, Dieu vous garde par cette maladie-là pour vous transformer. Donc, Seigneur, guéris-moi, c'est pas ça. Il veut l'état, la guérison de ton âme, premièrement. Vous comprenez ça? Désirer sa présence, refuser et rejeter toute obscurité. Alors que nous trouvons ici maintenant que personne ne franchit cette porte-ci avec une pensée unique. Avec une pensée unique, avec une pensée méchante. Avec des désirs impurs. Ne permettez pas que ça traverse votre esprit. Si vous avez consommé le mal à tous ces endroits, repentez-vous et sortez ici libre. Repentez-vous. Repentez-vous. Parce qu'on peut ne pas ne se retrouver. Il se pourrait que ce soit moi qui avance avant vous. Mais il faut que quand je sorte, si je sors de ce monde-ci, je me présente devant lui que Seigneur, j'ai achevé ma course. Repentez-vous. Repentez-vous. Lorsque vous serez repenti, il y a maintenant une continuité, une façon de vivre. Cette façon de vivre, c'est vous montez, vous descendez. Nous sommes en plein milieu des ténèbres. Et Dieu nous y a mis pour préparer les épreuves devant nous. Comptons sur lui pour surpasser toutes ces épreuves. Amen. Comprenez, frère? Qui désire sa présence? Qui désire sa présence? Vous avez un prix à payer. Vous avez un prix à payer. On ne doit pas transformer la grâce de Dieu en dissolution. On ne peut pas transformer la grâce de Dieu en dissolution. La grâce est disponible, c'est-à-dire que quoi? Dieu est prêt à agir en notre faveur. Là où tu n'as pas la force, il vient pour te soutenir, pour te prendre la main, pour te tenir la main afin que tu traverses la vallée avec lui. Là où tu es en train de noyer, jusqu'à ce que la main est tendue, il est prêt à te faire nager, à te mettre à bon port. Dieu est prêt. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous pointez du doigt comme les choses les plus méchantes de ce siècle-ci. La distraction, c'est une arme de destruction silencieuse et massive contre les chrétiens et la vie des foi. Vous devez admettre ça, vous devez comprendre ça. À moins que vous arrivez à la compréhension de cette chose-ci, vous n'avancerez pas avec la foi. La distraction est une arme silencieuse et massive que Satan utilise pour nous distraire. À moins que vous identifiez cela, vous ne saurez pas, vous tournerez en rond avec la vie des foi. Continuez à invoquer le Seigneur Jésus. Un temps murmuré, Dieu me voit même encore. Est-ce que je suis même son enfant? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est quel est le désir qui se trouve à l'intérieur. Regardez le monde, comment le monde a laissé mourir. Le monde a laissé mourir. Les homosexuels partout, ils s'exhibent partout, sur internet, n'importe quoi. Vous les voyez marcher là-bas. Vous voyez les filles s'embrasser avec les filles. Regardez les plaques publicitaires, on met partout dans les carrefours affichés avec les femmes, avec les femmes nues. Je ne peux pas savoir comment un père peut se tourner avec son enfant, avec le sein dehors, avec les enfants. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Regardez dans un film, on montre les parents dans la maison qui bagaillent, ils boivent de l'alcool, les enfants. On a en train d'injecter quoi dans nos vies? Et le chrétien, le plus grand, c'est le chrétien, est là, il a en train de se délecter de cela. Et on ne trouve pas de mal à cela. Non, nous sommes dans le modernisme. Dieu n'est pas trop méchant contre cela. Faites attention à la séduction. Faites attention. Faisons attention. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Satan s'est déchaîné. Satan sait que la dernière bataille va bientôt être livrée. Alors il multiplie les distractions. Il a équipé les distractions du plus petit jusqu'au plus grand. Il y a les jouets pour les enfants. Quand tu grandis, quand tu es petit, on te met le Tintin. Tu es à bas âge, on te met les jouets, le PlayStation. Quand tu traverses, on te met Paris Foot. Vous remarquez les jeunes maintenant. Vous voyez les jeunes devant le kiosque Paris Foot. Ils sont concentrés parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ils sont concentrés comme ça là. Pendant que les jeunes font à la gauche, leur père est là dans le TSC. Vous voyez ce qu'il en est. À la maison, papa a son salon de l'autre côté. S'il n'est pas de voir National Geographic avec le film, l'autre en train de voir le match là-bas. La maman est de l'autre côté en train de voir la sortiège de Salem. L'enfant est dans la chambre en train de voir manga. C'est quel genre de famille en train de bâtir là comme ça, l'antichrist est en train de distiller ses enseignements. Les enfants sortent, chacun est initié. Le parent dort, il rêve comment il est en train de voler pour aller en Afghanistan. L'enfant dort, comment il rêve, il est là dans le soleil. L'autre femme en train de dormir, comment elle est devenue marima. Voilà les sorciers, une famille de sorciers à la maison. On ne voit pas qu'il y a de mal à cela. Chrétiens, réveillons-nous. Nous ne sommes pas de la nuit pour que ces jours-là nous surprennent. Voulons-nous servir le Seigneur Jésus-Christ? Voulons-nous lui être agréable? Amen. Alors, cessons de pratiquer les œuvres infructueuses des ténèbres. Ne nous trompons pas en croyant qu'en pratiquant ces œuvres, nous marchons avec le Seigneur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, les versets 6 et 7, il dit que si nous marchons en lui, nous pratiquons les choses de la lumière. Et le sang de son esprit, jusqu'à nous purifie de toute iniquité. Vous suivez? Continuons ce verset-ci. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, vous regardez, soyons sobres. Vous avez vu ça? Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ah, frère, de telles promesses devaient nous faire bouger le cœur. Identifiez les choses qui vous causent la chute chaque fois. Tant que vous n'avez pas fait ce travail, vous n'allez pas avancer. Travaillez dans vos intimités avec le Seigneur. Restez tranquille. Saint-Esprit, qu'est-ce qui me cause problème? Si c'est quelque chose qui vous amène la chute chaque fois, identifiez ces choses et enlevez. Ne blaguez pas. Lorsque vous avez identifié, enlevez, ôtez de votre présence et avancez. C'est ça la sanctification. Sanctification, c'est chaque fois nettoyer. Mettez-vous à part chaque fois. Si c'est votre pensée, sanctifiez, avancez. Si c'est votre corps, sanctifiez, avancez. Si c'est votre pensée, sanctifiez, avancez. Verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Merci Père. Et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. J'aime ça. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Vous avez suivi ça? Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Tu vas venir vers un peuple et dire fais comme ça. Il va dire que tu es qui pour me juger. Et la Bible dit qu'on les avertit. Consolez ceux qui sont abattus. Vous entendez ça? Donc, Jésus-Christ ne vous a pas abandonné. S'il n'a pas encore répondu à votre prière, il ne vous a pas abandonné. S'il n'a pas encore entendu sa voix, ne perdez pas courage. Il le fera. Il le fera. Il le fera parce qu'il a dit que les brebis vont entendre sa voix. Persévérez, vous verrez. Le moment va arriver que vous aurez un joie ineffable. Et quand cette joie de voix vous parle, personne ne peut plus jamais vous ôter la joie qu'il va vous donner. Personne. Les disciples pouvaient fuir quand on a attrapé le Seigneur Jésus-Christ. C'était autre chose. Après la résurrection, comme ils ont vu Jésus, quand on tapait, ils disent, nous ne pouvons pas voir. Or, maintenant, si vous n'avez pas ce témoignage-là, vraiment, en voix assis. Un policier entre là maintenant, il a dit que ceux qui sont de cette église-ci-là maintenant, entrez dans le cas. L'autre m'a dit que non, justement, venez visiter la mer ici. Ils m'ont seulement bloqué ici. C'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur. C'est normal en tant qu'être humain d'avoir peur. Il dit bien d'avoir peur en tant qu'être humain. Mais quand le Saint-Esprit est là, c'est lui qui se présente. Oh, mon Dieu. Nous vous prions frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Oh, mon Dieu. Verset 15, enfin. Prenez garde. Que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Puisse vraiment l'Église du Seigneur Jésus-Christ entendre ces exhortations, ces instructions, cette ordonnance et ces commandements du Saint-Esprit. Puisse l'Église du Seigneur en reçoive cela. Colossiens. Merci pour cette atmosphère. Depuis qu'on est suivi, l'atmosphère-ci est dans cette atmosphère, il sent plutôt le désir des gens à avancer. Ça, c'est l'une des premières fois que j'ai ressenti cela ici, ainsi. C'est-à-dire que, depuis, ils sont testés pour voir si certaines personnes sont pressées pour rentrer. Il n'y a pas. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 4. J'ai dit quel verset déjà quand je vous ai donné 1 à 6. Disons donc. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste. Et équitable. Je ne sais pas si tout le monde y est dans Colossiens. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir la Bible, aidez la personne afin que nous regardions cela ensemble. Vous y êtes tout le monde? Aidez quelqu'un à ouvrir là. Aidez quelqu'un à ouvrir Colossiens. Je vais lire à partir du verset 1. Si vous permettez, si tout le monde y est déjà. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Si les gens qui emploient des êtres humains pouvaient savoir comprendre ce verset-ci, personne ne menacerait personne à cause de son salaire. Souvenez-vous de Jean chapitre 5. Verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Soulignez cela. Je crois que ça sera bien pour vous pendant ces 21 jours que nous sommes en train d'aborder. Persévérez dans la prière. Veillez-y. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et de faire connaître comme je dois en parler. Verset 5, suivez attentivement. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et soulignez. Donc avec les mondains, conduisez-vous avec sagesse. Souvenez-vous que vous êtes censé leur prêcher, ce n'est pas à eux de vous prêcher. Quand vous voyez effectivement qu'ils peuvent vous entraîner à la dérive, quittez cette voie. Coupez ces relations. Quand vous voyez effectivement que la relation avec ces gens-là peut vous amener à la chute, quittez la relation. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit de temps en temps accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est toujours. Chacun vérifie que c'est toujours qui écrit chez lui. Ok, je viens de relire dans le verset. Comme vous avez dit que c'est toujours qui écrit. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, on ne dit pas que si tu tentes là, je vais te laver là comme ça, même, avec, même le savon n'a pas suffi. Ça ne se passe pas au milieu chrétien. Si ma bouche comme ça, si c'est que ma bouche sent, si c'est qu'il était insulte là, on peut t'acheter même à Vincent, on n'apprend pas. Ça ne doit pas se passer au milieu chrétien. Donc, Éphésiens chapitre 5, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Souvenez-vous, les paroles impures entraînent l'impudicité. Romains. Les saints de Dieu, les saints de Dieu, du moins, ceux à qui ma limite a été fixée, la limite qui m'a été assignée, tous ceux-là dans le monde entier, ici, dans le monde entier, auquel la limite a été assignée. Je vous le dis, en tant qu'aigle de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous et préparez-vous. Réveillez-vous et préparez-vous. Quelque chose est sur le point de résonner en haut là-bas. Quelque chose est sur le point de résonner en haut là-bas. Souvenez-vous, dans une vision, en train de regarder dans un supermarché, c'est un endroit de grande surface où il y a un trouble. Mais je n'en parlerai pas, que ça supprime n'importe qui, ça supprime. J'ai vu pour le président, j'ai essayé de contacter les gens qui comptent, pourquoi le contact chaque fois ça n'est pas passé. Et lui n'est pas ici au pays. Et des choses sont se préparer contre lui. Bon, qu'il en soit comme Dieu voudra. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Bon, prenons à partir du verset 11 alors. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Savez-vous en quel temps nous sommes? Il dit que vous avez intérêt à vous aimer les uns les autres. C'est encore davantage grave que sachez à quel temps qu'on revive. Que le temps, c'est le temps de l'amour. On doit s'y resserrer parce que ce temps-ci, il est question du fait que si ça augmente, l'obscurité augmente, comme Jésus avait dit, l'iniquité va s'augmenter, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Si vous voulez être dans le plus grand, il n'a pas dit que l'amour de tous va se... Il a dit l'amour du plus grand nombre. Le Seigneur a dit l'amour du plus grand homme se refroidira. Il n'a pas dit l'amour de tout le monde. Donc c'est à vous de choisir si vous êtes dans tout le monde ou bien dans le peu de nombre ou le grand nombre. C'est pour ça qu'il a donné ces exhortations-ci. Il dit ici que vous savez en quel temps nous vivons. L'apôtre Paul dit ici dans ses Romains chapitre 13 verset 11. Il dit cela sera un port de temps puisque vous savez en quel temps nous vivons. Souvenez-vous de Colossiens chapitre 4 là. Il a dit racheter quoi? Le temps. Autrement dit ma soeur, nous n'avons pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps sur le chrétien petit boire de l'alcool. Le chrétien peut aller en boîte de nuit. Si tu te sens libre, va, danse jusqu'à ce que toutes tes sueurs finissent. Oh, le petit bois. Le jour où tu vas te retrouver, tu vas nous avancer, on sera devant. Tu vas encore commencer à regarder les gens qui sont sanctifiés. Tu nous retrouves devant. On n'a pas le temps pour cela. On avance. Le temps est court, extrêmement court. Vous comprenez? Verset, il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le monsieur s'en est écrit comme ça longtemps avant, plus de 2000 ans. Et à nous qui sommes donc ici, alors, qu'est-ce que ça peut faire? Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Donc le jour de la promesse, là, n'est-ce pas? Regardez bien, suivons, lisons attentivement ensemble. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'on a de dire aux chrétiens? Que le chrétien fasse quoi? Que le chrétien enlève les choses du monde de lui. Dépouiller les œuvres, ce qui est du monde. Identifiez-les et dépouillez-vous-en. Vous devez faire ce travail. Souvenez-vous, c'est individuel parce que quand tu pêches, c'est toi seul. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous faites des choses dans l'obscurité, c'est entre vous. Vous devez comprendre que c'est vous seul qui allez vous présenter devant Dieu. Il veut me présenter devant lui avec cette prédication-ci. Il veut me présenter devant lui très bien avec cette prédication, avec chacune des choses que je vous aurais dites. Je me présenterai devant lui très certainement. Mais pas pour être jugé pour aller en enfer, non, que non. Pour regarder si j'ai été fidèle à la prédication qu'il m'a donnée. Si c'est pour la couronne de la justice, je l'ai. C'est pour la couronne de la justice. Ça m'est réservé. À coup sûr, est aussi vrai que vous êtes devant moi là. Donc, je cours pour que ma récompense ne soit pas diminuée. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit fidèle à ces choses-ci. Mais il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Il ne me jugera pas par rapport à ces paroles pour dire ok, va en enfer. Non, non, non, non, non, non. Ce qu'on demande à un serviteur, c'est qu'il soit resté fidèle. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai ceci. Vous comprenez ça, frère? Dépouillons-nous, les œuvres de ténèbres ne doivent pas s'attacher à nous. Les œuvres de ténèbres ne doivent pas s'attacher à nous. Nous devons nous en dépouiller si nous sommes les enfants de la lumière. Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il a dit que nous sommes des enfants de la lumière, n'est-ce pas? Ici, il dit que revêtons dans les enfants de la lumière. Il faut que les preuves, c'est que nous vivons, soient conformes à la nature de notre Père, le Père des lumières. Vous avez moi? Vous avez moi? Souvenez-vous, cette couronne-là, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tous ceux qui auront aimé son avènement. On ne dit pas seulement que Seigneur, j'aime ton avènement. Ce n'est pas ça. Dans ce livre de Jean, chapitre 15, le verset 8, il a dit si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand tu l'aimes, tu gardes sa parole. Parce qu'il a dit que demeurez en moi et que je demeure en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. C'est en ceci que vous demeurez en moi, si vous gardez mes paroles, si vous gardez mes commandements. Vous comprenez ça, frère? Mais si vous comprenez, vous êtes avec moi. Je vais m'atteler à vous dire toujours la vérité pour vous marcher dans cette voie de la vérité. Si quelqu'un ne veut pas marcher dans cette voie de la vérité, il sort, il ne rentre plus. Parce que je ne veux pas flatter les oreilles des gens. Il faut qu'il dise ce que le maître a dit et ce que le maître veut de nous. Parce qu'il faut que nous tous nous chantions en ces jours-là, ces mêmes cantiques-là, ensemble avec l'agneau. Nous devons chanter ces cantiques-là, pas vous. Vous ne voudrez pas vous y être. Ce céleste appel, ne voudrez pas vous être avec Gabriel, Samuel, l'apôtre Paul, Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux avec les saints d'antan. Vous ne voulez pas vous voir les glorieux martyrs, vous ne voulez pas voir Marie chanter là-bas au son des livres. Vous voudrez y aller. Amen. On les appelle les saints. On les appelle les saints. Dieu les a appelés saints. Dieu nous appelle saints. Soyons dignes de ce nom que notre Père nous a donné. Soyons dignes de ce nom-là que le Père nous a donné. D'accord? Dépouillons-nous véritablement des œuvres de ténèbres. Alors que nous sommes en train de parler, vous voyez effectivement défiler devant vous. Qu'est-ce que vous présentez les actions, les choses que vous faites qui n'est pas de lui. Pas vrai, frère? Ne sortez pas ici sans avoir réglé cela. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux. Parlons-lui. Parle-lui de ses œuvres. Parle-lui de ses œuvres. Présente-les-lui. Assemblée, parle-lui sincèrement. Si ce sont des choses contre lesquelles tu te bats depuis et que tu ne puisses pas t'en séparer, souvenons-nous, tu n'as pas de puissance contre cela. Le Saint-Esprit est la puissance qui délivre du péché. Oui. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, des murmures sur les cœurs, des péchés innombrables, l'ignominie, l'impurité, sur ton peuple ici et ailleurs, alors qu'ils nous écoutent maintenant dans le monde entier. Beaucoup se battent contre le péché chaque jour, demandent pardon et retombent dans la même situation. Ne comprenant pas que Satan a mis un point d'attache entre eux et lui. Père, puisse ce point d'attache soit brisé maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ alors qu'il m'écoute maintenant. Je t'en jure au nom de Jésus-Christ, Satan maintenant de libérer le peuple de mon Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. que tous les liens, tous les tentacules que tu avais tendus dans, comme filet dans les vies des enfants du Seigneur, pour les tenir à toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé maintenant. Je commande que tu enlèves ton doigt sur les élus de Dieu. Je commande que tu enlèves tes doigts sur les enfants du Seigneur. Je te commande et je t'adjure au nom de Jésus-Christ de libérer le sein de Dieu. Je te commande, Satan et tes acolytes, que tu n'aies plus rien à faire avec eux par rapport à ces péchés au nom de Jésus. Père, ton nom que tu as donné à la croix, que tu as donné au Dieu de gloire en victoire pour les saints, ton nom est majestueux, souverainement élevé. Ton nom délivre au Dieu de gloire des exactions. Ton nom délivre de la maladie. Ton nom délivre de cette puissance du péché. Puisse ton nom parler maintenant pour eux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, des cœurs, au Dieu de gloire, dandines dans le monde. Des cœurs dandines dans le monde. On est mariés dans le monde, Père de gloire, et on t'adore. Et tu nous appelles adultères. Puisse, au Dieu de gloire, ces liens d'adultère maintenant, quitte ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, que tu déconnectes le cœur de ton peuple ici et ailleurs, ce soir, maintenant, Père, et reconnecte à toi selon ta propre volonté, afin qu'ils te servent sincèrement en esprit et en vérité, mais que ce ne soit pas une confession des lèvres seulement. Seigneur, beaucoup, ô Dieu qui m'écoute maintenant, confesse ton nom et pratique les œuvres qui ne sont pas dignes de toi. Mais au tréfond de Père de gloire, désire te servir sincèrement. Je prie au Père que tu viennes en aide pour cela. Je prie, mon Dieu, que tu enlèves toutes ces choses qui sont mises par Satan pour les pousser et les asservir dans l'esclavage du péché. Je prie au Dieu que la puissance du Saint-Esprit soit déversée sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père de gloire, qu'au sortir d'ici, chacun soit renouvelé dans la force de son intelligence maintenant. Je prie, Père de gloire, que tu renouvelles l'intelligence, que tu renouvelles le cœur de quelqu'un ici et ailleurs au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, pour mon frère, je prie pour ma soeur, pour celle qui se battait chaque fois. Pour ceux qui ont des cauchemars chaque fois, je prie au Père que tu étends ta main sur ce peuple-ci. Je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, Père, qui vivaient dans l'adultère, dans la cachette, et qui ne parlaient pas au Dieu de gloire. Je prie que tu les en délivres au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là, au Dieu, qui passent le temps dans la sorcellerie, qui sont encore dans la sorcellerie, dans le lien de leur famille, et qui en souffrent dans le monde entier, Père. Alors qu'ils m'écoutent maintenant, je prie, Père, que tu délivres quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ton peuple ici. Pour nous tous à genoux ici, Père de gloire, nous sommes assemblés maintenant. Tu as dit, mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie, prie, Dieu de ciel, tu vas exaucer. Viens exaucer la prière de tes enfants, Père. Viens exaucer nos prières, ô Dieu, fais en ce lieu. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, ô Dieu de gloire, de venir devant de toi. Mais parce que tu nous y as invités à la croix par en vertu du sang que tu as versé à la croix pour nous. Merci pour ce glorieux sang-là que tu as versé, qui parle encore aujourd'hui pour nous. Merci, Seigneur, parce que c'est en vertu du travail dont ton âme a fait à la croix que nous pouvons nous présenter devant le Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la victoire que tu as acquise pour nous à la croix. Merci, Père, pour la restauration que tu as acquise pour nous à la croix. Nous sortirons ici, marcherons victorieux sur le péché. Le train de ce monde n'entraînera pas tes enfants, Père. Merci parce que tu restaures et que tu règles le chemin de chacun de nous maintenant. Merci parce que tu règles, ô Dieu de gloire, le chemin de ton peuple afin que nous marchions dans la voie de la sainteté. Je prie, Père, pour tous ceux qui nous écoutent. Je prie, Père, pour tous ceux qui nous écoutent afin que tu sanctifies chacun de leurs voix. Je prie, ô Père de gloire, pour mon frère qui vivait dans la masturbation. Je prie pour ma soeur, ô Dieu de gloire, qui vivait dans le lesbianisme et qui est en cachette. Je prie, ô Dieu, pour tous ceux-là qui ont les désirs pernicieux sur le cœur. Pour tous ceux-là qui se livrent dans la mondanité. Pour tous ceux-là qui vendent de l'argent pour jouer les joueurs, qui ne t'abandonnent, qui ne te glorifient pas. Pour tous ceux-là, ô Dieu de gloire, qui vivent dans le vol, dans la sounazerie, l'hypocrisie, et qui au milieu des saints se comportent en saints. Je prie, ô Père, que tu les sanctifies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais pour nous. Merci parce que tu écoutes notre prière. Merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur toi dans la marche. La marche est difficile Seigneur, mais tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde-ci. Merci Seigneur Jésus parce que tu es avec nous. Ton peuple est prosterné devant de toi pour te rendre grâce parce que tu nous exauces. Tu nous exauces Seigneur car tu nous y as invités. Nous nous soumettons à toi, pas sur notre propre force, mais parce que tu nous y as invités. Que ton nom, ta majesté, soit toujours pour nous et en notre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Amen. Amen. Veuillez vous lever, Saint du Seigneur. Comment? Vous savez chanter ces cantiques-ci? Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie. fie-toi, mon Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Ta situation, il connaît. Tes soucis, il connaît. Confie-toi au Sauveur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes péchés, il connaît. Tes mensonges, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit. Il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes difficultés, il connaît. Ta maladie, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Écoutez très attentivement, je suis votre frère et je suis un homme. S'il ne s'avance pas pour faire quoi que ce soit, il ne dit quoi que ce soit, il ne peut absolument rien. C'est pour cela que lui, étant omniprésent, omniscient, il connaît toutes choses. Il ne faut pas se confier en un homme, mais à lui, d'accord? Amen. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Sauveur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes larmes, il connaît. Même tes cris, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour tous les fardeaux que tu as ôtés sur le cœur de ton peuple ici ailleurs dans la limite que tu m'as assignée. Merci pour ces fardeaux que tu as enlevés, Père, au-delà de tout œil visible. Merci pour ce que tu traites dans le cœur de ma soeur, dans le corps de mon frère maintenant. Merci, Père du ciel, notre Père céleste. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour ce merveilleux nom, ce nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que tu nous as donné. En lequel nous avons la victoire sur le péché. Merci pour le salut que tu nous as accordé une fois pour toutes à la croix. Merci Seigneur, mais donne à ce peuple aussi de comprendre que c'est en toi seul qu'ils doivent se confier. Donne à ce peuple de comprendre, Père de gloire, que hors de toi, point de salut. Donne à ce peuple de comprendre, ô Dieu de gloire, qu'il ne faut point se confier à un homme. Fût-il notre mari, notre soeur, notre mère, notre père, car l'homme ne peut pas sauver. Mais toi seul, tu es sauveur et Seigneur. Donne-nous de comprendre, ô Dieu de gloire, qu'en dehors de toi, il n'y a point de vérité. Donne-nous de comprendre, ô Dieu de gloire, que nous devions rester ancrés et centrés sur toi. Nonobstant toutes les difficultés, les maladies et les tribulations qui nous viennent, tu as promis de nous voir au travers de cela. Tu as promis que ces choses arriveraient pour tester notre foi. Tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Donne à ce peuple de comprendre, Père de gloire,

Confie-toi au Seigneur, car il connaît.